3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Et ça joue plus, mais c'est toujours au centre de l'actu. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Eh ben oui, ça ne joue plus, mais c'est toujours au centre de l'actu. Ça pourrait être un nouveau jingle d'introduction. Les Knicks sont en vacances, mais ils n'ont jamais autant agité la sphère médiatique. On parle même pas de NBA Finals, ou très peu finalement. Hein. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'intérêt sur les Knicks. Et ben vous savez que nous, on est là pour en parler. Et encore une fois, rendez-vous avec Seb. Comment ça va, Seb ? Eh ben écoute, ça va. Ça va, c'est... Les nuits basket, il y en a un petit peu moins, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas sur les réseaux, qu'on suit pas tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ah bah non, bah oui, bien sûr. Là, il y a pas mal d'actu, il y a pas mal de rumeurs, que ce soit le coach, que ce soit les trades, que ce soit la draft, que ce soit les finales, que ce soit des anciens Bookers. Oh, oui. Tellement de choses que ça tenait à peine dans la miniature de cette vidéo. Hein. On a eu du mal à caser tout le monde. Il en manque peut-être même. Donc vous regarderez s'il manque des visages qui auraient mérité d'avoir aussi une petite apparition. On n'a pas mis Timothée Chalamet, on n'a pas mis Spike Lee qui était à Roland-Garros. Non, on n'a pas tout mis. Tu sais que j'ai. Alors j'ai un peu de retard là. J'ai vu récemment Dune 2, tu vois, la deuxième partie. Et un peu retard. Ouais. et du coup, forcément il y a Timothée Chalamet, tu vois. Et oui, en fait, j'arrivais pas à me le décrocher, tu vois, de son rôle de pom-pom girl pendant les playoffs en mode ouais, tu vois. Quand je le voyais en mode Lisan Al-Gaïb, tu vois, j'étais là en mode non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas le même. Il vous a menti. Le mec, il fait n'importe quoi. C'est un gamin. Encore ça, il fait n'importe quoi. Et oui, voilà. Comme quoi on peut avoir plusieurs vies, même pour un seul et unique personnage. Allez, nous, on va pas perdre de temps. Vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses. Oh oui, beaucoup de choses à se dire. On va essayer d'avoir un épisode condensé. On va essayer. On vous promet rien, mais on va essayer. Et puis, on lance tout ça après le jingle. Épisode 128 avec Nick Wist. Have Nick's Week. On articule bien et on est parti pour un nouvel épisode. Let's go. Et oui, les Knicks sont au centre de l'actu. Au centre de l'actu, que ça joue ou que ça joue pas, ça parle beaucoup des Knicks. Il y avait un petit période de creux avant le démarrage des NBA Finals. Et finalement, les Knicks ont décidé d'occuper ce vide, hein, laissé par le repos donné aux équipes des Pacers et du Thunder pour agiter un petit peu ce petit monde. Hein, quelques jours après l'élimination, si on droppait une petite bombe de Shams Charania, ça pouvait être intéressant. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des actions en coulisses. Non, vous l'avez vu, il y a aussi eu du leak. Et ouais, du leak. Et ça, c'est tôt. Il me semblait pas que c'était aussi tôt dans la saison. Mais ça y est, on le sait. Et on démarre cette émission avec ça. Les nouveaux shorts. Et ouais, les nouveaux shorts des Knicks et les nouveaux jerseys. On a déjà eu un aperçu. Alors, est-ce que c'est des aperçus officiels, officieux? Bon, généralement, on tombe rarement à côté de la plaque avec ces premiers leaks qui fuitent sur le net. On savait le Statement Edition, la tenue des Knicks qui était plutôt bleu marine, doit passer son tour. Ça faisait déjà 3 saisons que les Knicks arboraient ce jersey qui était plutôt réussi, à mon goût en tout cas. Et on le sait, les City Edition, ça vient avec Kiss aux commandes. Et donc voilà, on a 2 versions qui ont leaké avec les shorts et les jerseys. Une version noire avec les petites bandes et le dégradé qui rappelle pourquoi pas le maillot Never Sleep où on avait eu un rond au centre de la poitrine. Cette fois-ci, ça sera des bandes lumineuses sur les côtés. Et puis un maillot blanc qui est un petit peu dans une variante, alors sans les rayures, du City Edition de cette année. Voilà, 2 versions, 2 choix. Quelle est ta préférence, Seb, sur ces nouveaux jerseys en approche pour la saison 2025-26? Est-ce que tu les valides? Est-ce que ça te plaît? Ouais, j'ai plus une préférence pour le blanc, moi. Ouais, ça lui sent ouais. Blanc. Ouais, mais je trouve ça plus classe. Déjà, j'étais pas trop fan à l'époque du du City Never Sleep. Et ouais, ce côté tie and dye, comme dirait ma compagne, donc avec ce dégradé de couleur là, c'est pas trop ma cam. Voilà, c'est pas trop ma Ça cam. rappelle un peu les bandes lumineuses de Garden. Et le Oui, Garden, non, d'ailleurs, qu'on mais retrouve complètement. sur, en silhouette sur le short de la version blanche. À voir, comme toujours, une fois porté. Il y aura sûrement aussi tout un tas de sweats, t-shirts, casquettes. Voilà, Nike et Jordan Brand savent faire ce qu'il faut en termes de marketing. Mais voilà, en tout cas, on a déjà eu un petit leak sur la saison à venir. On ne sait pas qui sera le coach, on ne sait pas qui seront les joueurs, mais on sait comment ils seront habillés. Ça, au moins, c'est une certitude avec ces premières annonces. Et oui, on a commencé par ça, comme ça, voilà. On lave notre linge propre d'entrée de jeu. Et puis, bah, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La grosse news, l'événement immanquable de la semaine dernière, La big news. c'était la big news, hein, qui a fait l'effet d'une bombe, qui a surpris aussi pas mal d'observateurs de la NBA. C'est le limogeage de Tom Thibodeau. 3 jours après l'élimination en finale de conférence au terme d'un match 6, sur lequel bah, il n'y a pas eu trop de matchs. Hein, ça, on le sentait venir de toute façon. Sur le sportif, on en a parlé dans le précédent épisode que vous retrouvez toujours sur la chaîne. Mais on pouvait se poser des questions sur savoir si oui ou non c'était le moment de passer à autre chose. Les premiers retours étaient plutôt favorables vis-à-vis de Tom Thibodeau, avec notamment Jalen Brunson qui avait été interrogé juste au soir de l'élimination par une question clairement ouverte, enfin ouverte directe vis-à-vis lui de la confiance qu'il avait vis-à-vis de Tom Thibodeau. Est-ce que Tom Thibodeau était l'homme de la situation? Jalen Rose. Oups, lapsus. Jalen Brunson répondait sans détour. Quoi, c'est une vraie question, vous me posez ça là maintenant, mais bien sûr que c'est l'homme de la situation. Il y avait vraiment un soutien très marqué de la part de Brunson sur le soir de l'élimination. Les bruits de couloir laissaient entendre que Léon Rose était également plutôt partisan d'une reconduction de Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, il faut le rappeler, avait signé une extension, une prolongation de son contrat qui devait démarrer à partir de cette saison 2025-26. On n'y était pas encore. Une extension pour 3 saisons, à hauteur donc de 30 millions au global, sur lequel, voilà, Il va prendre 30 millions. Voilà. Oui, il repart avec un contrat qui a été signé. Il a bien fait de le signer avant, d'ailleurs, pour le coup. Est-ce que c'est une forme, entre guillemets, déguisée de remerciement pour bons travaux, pour les travaux accomplis? On peut voir ça comme ça. Ceci dit, bon, c'est un peu de l'argent gaspillé. Après, toi et moi, on est d'accord. C'est pas nous qui les payons Et directement. puis c'est pas Mais comme bon. si et puis c'est pas comme si Dolan, par le passé, ça l'avait rechigné de payer des C'est vrai. coachs. Bon. On a déjà vu ça dans l'histoire, mais voilà, c'est un peu surprenant de se dire, bah, on prolonge, on propose une prolongation, voilà. Ça laissait entendre dire qu'il y avait une confiance qui était installée. Pour combien de temps? À voir. Eh ben voilà, ça a été la surprise. Peu de temps donc après l'élimination, et puis aussi peu de temps après la partie, la fête. On a vu les joueurs de Knicks célébrer leur fin de saison. Je Alors, se pas comprends. célébrer Oh, non, mais une après les. victoire, mais Non, mais bon. après les mecs, c'est normal. Ils ont fait quand même une belle saison. Ça, comment on peut dire ça? Ils lâchent un petit peu. Voilà, ils sont en vacances. Ils vont pas faire la gueule, quoi. Ils ont fait une belle saison. Ils se font éliminer, ils se font éliminer. Maintenant, ils font la fête tous ensemble, une sorte de team building, un petit peu, tu vois. Oui, puis certains peut-être ne seront pas là à la reprise de la saison prochaine, donc à Certains pas voir. mal, je pense, ouais. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans cette émission. Mais voilà, c'était un petit peu curieux tout ce timing rapproché. Et puis donc la Shams Bomb qui est tombée, bah, c'était quand? C'était mardi soir, effectivement. Je me préparais à regarder une émission de Survival Games, aka Koh-Lanta, avec mon fiston. Et boum, la news est tombée, un petit peu à la surprise générale. Est-ce qu'on peut parler d'un effet de surprise, Seb, sur l'annonce de l'éviction de Tom Thibodeau? Même si beaucoup attendaient un changement, le timing, la fin de parcours, on va dire, de cette saison, le fait d'aller en finale de conférence, d'avoir éliminé les champions en titre qui étaient les Boston Celtics, est-ce qu'on pouvait se laisser entendre dire, bon, bah, il a eu le droit de gagner une saison de plus, on devrait le revoir, ça pouvait paraître une continuité, une suite logique, et non. Non, non, très vite, l'annonce est tombée. Donc, est-ce qu'il y a eu un effet de surprise à ton sens ou finalement non? Déjà, ce que je peux dire, c'est que Tom Thibodeau a une partie de la fanbase qui souhaitait le voir partir, moi, et une partie de la fanbase qui souhaitait le voir rester, toi. Et c'est pas, et c'est un rien, parce que je comprends totalement ceux qui disent qu'ils auraient souhaité le voir rester. On parle quand même d'une saison plutôt réussie, à 51 matchs, un parcours en play-off plutôt réussi, avec un aboutissement en finale de conférence, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 25 ans. Donc c'est vrai que quand tu mets ça comme ça, de façon très factuelle et très froide par des chiffres, tu dis, bah, c'est vrai que, quelque part, il aurait pu rester en place et voir ce que ça aurait donné avec la fameuse année 2. Maintenant, moi, de mon côté, je vois le basket peut-être de façon un peu plus romantique, on va dire. C'est-à-dire que moi, le jeu fourni par l'équipe cette année ne m'a pas convaincu, et notamment le jeu d'attaque ne m'a pas du tout convaincu. On a vu que on n'avait pas de système au début de saison. Ça, c'est vrai que ça cherchait entre Brunson et Kat des pick and roll. Ça, il y avait une connexion qui se faisait, mais qui tout doucement, au fur et à mesure de l'année, a disparu. Et soit on s'en remettait à du Kat, soit on s'en remettait à du Brunson. OG, Mikal, vous vous débrouillez et puis on voit comment ça se passe. Et au final, on a eu des résultats relativement mauvais face à des grosses écuries où on n'a pas réussi à leur prendre le dessus. Et on est arrivé en play-off avec notamment un discours qui, moi, m'a fait un petit peu froid dans le dos quand il dit, hein, quand on arrive au début des play-offs, avec le fameux « il nous reste encore beaucoup à faire », alors que tu as eu 82 matchs. Donc, c'est vrai que quand tu poses ces bases-là, les play-offs, il y a un univers où on sort en premier tour, on ne sort pas, tant mieux, mais il y a un univers où on sort au premier tour contre les 2-3 Pistons, et ce n'est pas infamant de le dire, c'est vrai, ça s'est joué notamment, je pense, sur une erreur arbitrale, alors peut-être que ça n'aurait pas été en 6, peut-être qu'on aurait gagné en 7, mais il y a, franchement, on ne les a pas surclassés. On passe Boston, et Indiana, face à un coach qui a des idées, qui a un banc, qui n'hésite pas à faire des choses, et qui a une attaque, on a été surclassés. Donc c'est vrai qu'on sort de là avec un bilan, on se dit, mince, le champion n'était plus là, on l'a sorti, le numéro 2 n'était pas là, on tombe contre une équipe d'Indiana qui est notre range, et on se fait surclasser comme ça, on perd. Alors ouais, je pense que le game 1 a un petit peu donné le ton pour le reste de la série et a changé pas mal de choses, néanmoins, il est perdu, tu ne peux pas revenir en arrière, et tu perds 4 à 2, et finalement, on n'a jamais vraiment eu le sentiment de se dire on peut revenir dans la série. On y aura peut-être un petit peu cru, mais Indiana, c'était quand même trop fort. Donc, on sort de là avec plus ce petit goût amer que de se dire « Ah ouais, super, on est arrivé jusqu'en finale de conf, génial !» Il y a un sentiment de déception d'avoir loupé l'occasion d'aller vraiment là où on voulait aller, à savoir en finale NBA. Alors, c'est vrai que les résultats sont bons, la manière, les moins. Et moi, la manière, c'est vrai que, mine de rien, devoir chercher une rotation en Game 3 de finale de conf, c'est pas maintenant que tu le fais. Je suis désolé, c'est pas maintenant que tu le fais. Tu as 82 matchs de saison régulière pour tester des line-up, pour tester des associations, pour créer une alchimie entre les mecs. Tu t'es entêté, et c'est notamment ça, on en reviendra après, qui lui a été un peu reproché, c'est-à-dire un peu son entêtement sur ces gars, et à moins sourire aux autres, et dans la panique de se dire « Ah merde, bon, White, Chamette, allez, vous allez jouer, on va faire un truc, là !» C'était un peu le sentiment de panique, quoi, qu'il y a eu. Et c'est ce que j'avais évoqué par un côté un peu improvisation, même si on sait que c'est pas un improvisateur, Tom Thibodeau. Il avait une formule qui a marché deux premiers tours, qui du coup, en toute confiance, ne le forçait pas à changer ses plans. Il faisait confiance à son dispositif, à ses joueurs. Il y a eu un premier ajustement qui a été de faire dans la série face aux Pacers, de remplacer Josh Hart par Mitchell Robinson, quelque chose qui était demandé de longue date pour avoir une association Kat-Mitchell Robinson. Bon, on le sait aussi, Mitch, il était en absence pendant une grosse partie de la saison régulière, donc forcément, ça, c'était pas une association qui a pu se travailler longtemps à l'avance. Il y a eu une vingtaine de matchs, 20-25 matchs en fin de régulière pour pouvoir essayer de ça. essayer tout ça, même si Mitch ne faisait pas les back-to-back. Bref, il y a eu ce changement, ce changement. Est-ce que c'est une adaptation? Est-ce que c'est un coup de poker pour essayer de trouver une solution face aux Pistons, aux Pacers? Force est de constater que ça n'a pas marché, ça n'a pas porté ses fruits au point de renverser la série et de s'imposer. Et puis, il y a eu effectivement des joueurs du banc qui ont été réappelés et d'autres qui ont disparu de la rotation. On pense à Campaign qu'on a pu revu sur la fin de la série, et des Delon Wright et Landry Shamet qui sont réapparus. Et là où on a aussi un Precious Achiuwa qui a doucement mais sûrement disparu de la rotation et des utilisations. Moi, ce qui m'ennuie quand tu dis, tu vois, qu'il a une formule qui marche, j'ai envie de dire, j'ai envie de nuancer, de dire oui et non. Quand tu sais que... Selon lui, il a sa formule qui marche. Oui, mais... Qui était son starting five et ses rotations. Quoi. Quand tu vois que notre starting five était donc celui qui avait le net rating en négatif par rapport, notamment en finale de conférence, que ce soit avec les équipes d'Indiana, d'OKC, de Minnesota et nous, alors que quand même on était en positif puisqu'on avait gagné, on a gagné des matchs. Donc normalement ton starting five doit être avec les rating positif. Notre starting five était négatif. Le net rating, le différentiel entre les points marqués et les points encaissés n'était pas non plus exceptionnel. Dans le sens où je dis sa formule marche selon lui par rapport aux joueurs qu'il met. Est-ce qu'il aurait fait une association avec un Mitchell Robinson, Ekat, ou avec un McBride plutôt que Hart dans le 5? Est-ce qu'on aurait eu de meilleures statistiques? On n'en sait rien puisqu'on les a pas vus. On n'en sait rien, voilà. On peut pas savoir. Non. Force est de constater que le banc était d'une qualité aussi qu'on peut discuter. Alors des joueurs NBA, ça reste des joueurs NBA. Après, tous ne performent pas au même niveau, n'ont pas la même alchimie avec les autres coéquipiers, admettons. Ça dépend aussi parfois des match-up. Clairement, moi, j'ai pas trouvé. Je vais te dire, moi, j'ai pas envie qu'on se cache derrière le banc. Quand tu vois, par exemple, du côté de Boston, où t'as eu, comment il s'appelle, là, le grand dadé, Cornet, qui sort de. Non, c'est pas une meilleure qualité de banc, on est d'accord. Qui sort de la rotation. Quand tu vois que du côté de Oklahoma City, t'as vu quand même qui sort du banc et qui il fait jouer. Oui. Alors que Aaron Wiggins, ça n'a jamais été non plus, tu vois. Et pourtant, le mec, il est bon, il joue bien. Alors que quand tu regardes en carrière, ça n'a jamais été véritablement une foudre de guerre. Non, mais bien sûr que d'autres équipes ont une utilisation de leur roster beaucoup plus large. On en avait parlé également, et ça a été plutôt une réussite sur leur saison, ça l'a été moins en playoff des Cleveland Cavaliers, avec un Ty Jerome qui avait fait une super saison, voilà, qui était peut-être dans la discussion pour des notions de sixième homme ou pas, bref, ou de meilleure progression. Qui, une fois arrivé en playoff, ça a été plus compliqué. Nous, on l'a vu d'un point de vue de Miles McBride. Ils ont eu des blessés aussi, les Cavs. Ils ont eu des blessés. Oui, mais il y a des blessés un peu partout. Les Knicks ont été relativement épargnés cette saison et encore plus pendant les playoffs. Tant mieux pour eux. C'était peut-être justement ce sentiment de « Ah mince, il y a une sorte d'alignement des planètes ». Et justement, cette encore plus grande envie d'atteindre les finales et cette peut-être déception. Alors que sur le papier, en début de saison, on aurait dit « si on sort en 6 en finale de conf, est-ce qu'on signe tout de suite ?» Oui, je pense. Est-ce qu'on tombe contre les Pacers, on signe tout de suite? Voilà. Ah, contre les Pacers, c'est peut-être plus accessible. C'est peut-être un peu moins acceptable de se dire, surtout après l'élimination la saison dernière face aux Pacers. Donc voilà, tout est une notion de contexte et recontextualisé. Après, on dit, oui, Thibodeau, ça fait 25 ans qu'il n'a pas été, enfin que l'équipe n'a pas été en finale de conf, donc vous le dégagez tout de suite. Oui, alors ok, 25 ans, mais Thibodeau, il n'était pas coach pendant 25 ans, il est arrivé, il y a l'équipe qui a progressé, certes, il y a des aléas de parcours, certes, il y a eu des blessures par moment, peut-être que l'année dernière, on aurait pu faire ces finales de conférence, et là-dessus, bah voilà, le destin nous a rattrapés, et les blessures, est-ce que Thibodeau en est responsable ou pas? Bon, voilà, on peut faire porter une part de responsabilité, à voir quel degré de responsabilité on a dans les blessures. Mais en tout cas, oui, cette saison, il y a un sentiment de, bon... La saison régulière, pas exceptionnelle, on attendait mieux, on n'est pas arrivé avec un niveau de confiance très élevé à l'approche des playoffs, et beaucoup pensaient qu'on allait se faire démonter face à Boston, annoncer une série compliquée face à Détroit, ça l'a été, que face aux Pacers, c'était pas gagné d'avance pour les Knicks, qui étaient peut-être dans une position de favori, et voilà, au bout du compte, on se rend compte que... Ce qui est embêtant en plus, c'est qu'on était au complet, quoi. On n'avait pas de blessés. Oui, voilà, il n'y avait pas cette carte. Ah, il nous manque un joueur majeur. Donc là-dessus, au moins aussi, le côté est-ce que les joueurs sont arrivés cramés ou blessés, à l'entame des playoffs, on était au complet. Bravo au medical staff, en tout cas, qui a fait aussi un beau travail. On pouvait avoir des craintes sur OG Anunoby, bah, il a fait une saison plutôt complète. Brunson qui s'est un peu blessé. Et dans les critiques et dans les remontées récentes sur les raisons du limogeage de Tom Thibodeau, donc effectivement, il y a sa méthode qui a toujours fait grincer des dents, qui a été des fois moquée. Certains parlent de running gag parce que ouais, on dit ah Thibodeau il peut faire jouer ses joueurs 48 minutes et s'il peut faire jouer 4 et ben c'est super. Bon, c'est pas aussi caricatural que ça, même si il a fait beaucoup jouer son starting 5, peu ses joueurs de banc. Voilà, donc on pouvait espérer une amélioration, un rééquilibrage du roster. Faut pas oublier qu'il y a eu des trades importants qui ont été faits et qui ont bien abîmé la profondeur d'effectifs. Donc on pouvait se dire, allez, saison prochaine, c'est ce pan-là qu'on va travailler, plutôt renforcer le banc, avoir plus de qualité, peut-être moins de rookies. Bon, déjà, ils seront sauf au bord, les 4-5 rookies qu'on avait dans le roster cette saison. Est-ce qu'il y aura plus d'utilisation? Voilà, on pouvait se poser des questions par rapport à tout ça. Aux dernières nouvelles, et par rapport à ce qu'a pu leaker, c'est qu'effectivement, il y a eu les interviews de fin de saison. Notamment de Vincent Goodwill. L'enquête, vous pouvez la retrouver, de Vincent Goodwill, ouais, pour Yahoo Sport. Qui est intéressante parce que... Oui, le nom, je n'ai pas le nom, mais effectivement, si voilà. C'est Vincent Goodwill, bonne volonté. Voilà. En tout cas, qui remonte ça depuis différentes sources. Hein. Ça a été un peu consolidé. Ce n'est pas juste, tiens, il y a un écho. Et, non. Je ne sais pas si c'est du fake. Il y a eu les interviews de fin de saison. On a parlé de Jalen Brunson qui s'est exprimé publiquement. Toutes ces interviews de fin de saison, là, elles sont en interne. Et des interviews de fin de saison, on avait un certain James Dolan qui était également présent pour passer en revue ses joueurs. Alors, je ne sais pas s'il a vu Paco Mdadier, je ne sais pas s'il a vu Tyler Collette. Non, alors voilà. À ce que dit l'enquête. Les joueurs majeurs peut-être. Voilà, il parle de joueurs cadres. Donc je pense que ça doit être le 5. Starting 5, voire, 5-6 joueurs. Voilà, je pense que les second tours et les two-way contracts, je pense pas qu'ils aient été interrogés. Ouais. Alors, il est comment le coach? Bah, je peux pas jouer. Ah ouais, on va peut-être le changer. Non, voilà. Non. Soyons raisonnables aussi. Non, ils ont pas fait les trucs à la là, comme je te pousse. Ils ont interrogé visiblement les bonnes personnes. Mmh. Et ces bonnes personnes, ce qu'il en est ressorti de l'enquête, c'est qu'elles ont émis des critiques sur la façon de coacher, mais elles n'ont pas descendu le coach. C'est bien ce qui se dit de l'enquête. Hein. Tom Thibodeau l'avait évoqué aussi, lui, en interview de fin de play-off, en disant « Bon, on va se regarder dans une glace, on va regarder les axes d'amélioration, et sans tourner autour du pot, ça concernera tout le monde. » Et donc, lui, le premier. Donc, effectivement, il y avait, je pense, une parole libre auprès des joueurs cadres de l'équipe, qui se sont exprimés vis-à-vis de leur saison, vis-à-vis de leur parcours, vis-à-vis du coaching qu'ils rencontrent. Et voilà, donc des critiques ont dû être émises, à juste titre. Michael Bridges, un peu plus tôt dans la saison régulière, avait parlé justement déjà, et c'était assez rare pour avoir été signalé que, il y avait peut-être pas assez d'utilisation du banc. Alors, Michael Bridges, on le connaît, lui, il fait tous les matchs, toutes les saisons régulières, depuis un certain temps, donc c'est pas le genre à prendre des vacances. Mais au-delà de ça, son temps de jeu était aussi Ce que dit l'article, là, je te lis un petit encart. Il est dit, voilà, certains joueurs ont eu l'impression que Thibodeau jouait trop longtemps avec les titulaires et qu'il était incapable de s'adapter, donc ont indiqué des sources. Et un autre joueur a déclaré qu'il ne se sentait pas capable de jouer pour Thibodeau si l'entraîneur revenait la saison prochaine. Voilà. C'est ce qu'il est ressorti de cette entrevue avec des joueurs. On n'a pas les noms, hein. On n'a pas les noms, non. Donc chacun se fera son idée de qui a pu dire quoi les joueurs clés. C'est ce qui est clair, c'est que le licenciement de Thibodeau avait été initié par le propriétaire des Knicks, James Dolan, ont indiqué des sources à Yahoo Sport. Dolan et le président de l'équipe, Leon Rose, ont tenu des réunions de départ avec des joueurs clés des Knicks et les plaintes étaient claires. Donc partant de ça, il y a une décision qui a été rapidement prise, visiblement bien appuyée par le propriétaire. Alors on ne savait pas dans un premier temps sur les infos, est-ce que c'est Léon Rose qui a Alors, eu l'aval de Dolan? c'est Est-ce que vrai. c'est finalement Dolan et c'est Léon Rose qui a exécuté? Il peut rester un peu plus ou moins flou là-dessus. Il n'y a pas eu de communication en Non. dehors des posts qu'on a vus écrits et qui Et il parle nous disent pas, hein. que l'eau tiède, ça existe. Waouh, Il parle formidable. pas à la, à, il parle jamais à la presse. Il a fait, je crois, une interview et Ouais. il parle pas après, hein. Mais c'est vrai que tu as raison. Ça. Au tout début, il avait été dit que Dolan avait laissé donc Léon Rose. Et c'est en ça où on s'est dit, bon, Léon Rose a pris cette décision en sachant la proximité qu'ont les deux hommes. Ouais. Et donc, ben, il a décidé pour le bien de l'équipe de trancher. Et finalement, à ce qu'il est ressorti de la seconde enquête, c'est qu'en fait, ben, Léon Rose a passé ses entretiens avec le propriétaire. Il en ressort que le propriétaire n'a jamais été véritablement fan du style, je vais dire ça parce que pas du bonhomme, mais en tout cas du style de coaching de Tom Thibodeau. Et qu'au vu de ce qu'il est ressorti des entretiens, Léon Rose aurait été plus en retrait et plus bah, finalement au tiède. Et James Dolan a dit non, bah, écoute. Ça fait 5 ans, on voit que le groupe peut-être ne suit plus vraiment le coach. Donc je décide de faire partir et de payer sa liberté. Sa prime de départart, son contrat en tout cas. Et effectivement, le Il en ressort. propriétaire était plus que concerné parce qu'il doit lâcher un petit chèque, enfin ou un petit chèque. Il fait peut-être un paiement en 3 fois sans frais des 30 millions de dollars, mais voilà, en tout cas, c'était pas une décision qui était à prendre à la légère parce qu'elle était déjà engagée contractuellement. Donc voilà. Donc est-ce que c'est plus la décision de Dolan que de Leon Rose? C'est un peu c'est l'impression que ça donne en tout cas au regard de ces dernières informations. Est-ce que c'est rassurant ou pas? Chacun se fera son avis. On avait plutôt un propriétaire qui était en retrait ces derniers temps. James Dolan aussi, on est un peu dans le running gag de ouais, c'est le propriétaire qui fait tout et n'importe quoi avec son équipe. Bon, ces dernières saisons, il y avait quand même beaucoup plus de confiance de portée en Leon Rose. Un process qui a pris son temps aussi pour avoir une équipe qui devient de plus en plus compétitive et c'était plutôt appréciable. Les moves de l'été dernier avec le trade de Julius pour Karl-Anthony Towns, là maintenant cette opération. Voilà, il y a des moves un petit peu plus importants. Forcément, Léon Rose, à un moment donné aussi, joue son poste. Il peut pas non plus se permettre de dire oui, bien sûr, le problème vient du coach, je change de coach. Et puis la saison d'après, finalement, les problèmes sont toujours là. Donc, affaire à suivre, on verra comment tout Comme ça va se poursuivre. Mais il faut bien se dire l'aval du que propriétaire est important. ouais, puis il faut bien se dire que James Dolan, si à un moment donné il doit notamment faire partir Léon Rose, il n'hésitera pas. Et en ça, je vais te comme je vous en avais déjà parlé en privé, je vais citer cette aventure qu'il y a eu il y a quelques temps de ça avec les New York Rangers, dont il est aussi le propriétaire. Et donc une équipe était en place que moi je trouvais qui travaillait plutôt bien, donc John Davidson et Jeff Gorton, pardon, qui étaient donc le président et le GM des New York Rangers, qui ont rebâti une équipe à base de tours. Ils avaient eu d'ailleurs le first pick en la personne de Lafrenière. Et en reconstruisant une équipe, mais lui, il a trouvé que la reconstruction mettait trop de temps avant d'arriver en playoff. Donc en fait, il a décidé de couper tout le monde. Donc il a mis à la place une autre personne et qui s'appelle Drury, un ancien joueur. Et donc il a fait partir tout le monde. Alors que l'avenir s'annonçait plutôt brillant parce que tu Ouais, avais. c'était une Voilà, progression qui se voyait quand même, et quoi. tu as vu du talent, l'équipe draftait bien, tradait bien, faisait des belles signatures en free agency. Franchement, il y avait du beau travail. Moi, j'aimais beaucoup Jeff Gordon. Maintenant, il est parti au Montréal Canadien. Oui, puis des Mais. résultats sportifs. Des Ouais. résultats sportifs. Une équipe qui progresse, pas une équipe qui se Non, non, végète. non. Là, pareil, quand on parle des Knicks, est-ce qu'on est sur une équipe qui végète, qui stagne, qui régresse? Et donc, Non. Peut-être ben. que c'est pas Voilà. aussi bien que ce qu'on pouvait espérer, mais il y a quand même une part de résultat, de progression. Est-ce qu'on arrive à des limites? À voir. En tout cas, là, le vestiaire était plus complètement à l'unisson avec Tom Thibodeau. On peut voir aussi, peut-être, je pense, une réaction de James Dolan vis-à-vis de ces playoffs où les Knicks n'ont pas été dominants chez eux. Aussi, Et ça, oui. je pense que Dolan, il est courtside sur les matchs à domicile, au Madison Square Garden. Il ne l'est pas à l'extérieur. Aller gagner à Détroit, aller gagner à Boston, aller gagner à Indiana, c'est compliqué, c'est difficile. Bravo aux Knicks pour l'avoir fait. Malheureusement, sur ces playoffs, bah ouais, se faire battre chez soi, ça devait pas plaire à James Dolan. Clairement, ça devait pas lui plaire. Et donc, tout ça a fait que petit à petit, plus les interviews de fin de saison, bah voilà, il a pris sa décision. Alors, elle peut-être est froide, brutale. Certains se sont exprimés, je pense à Jacques Monclar qui a dit que c'était sévère, c'est un manque de respect, tout ça. Alors oui, on peut se dire, bon, il y a certains résultats, donc pourquoi cette décision maintenant? On peut se dire. Alors après, pourquoi, tu vois, c'est ce que tu disais. Alors, si on passe maintenant à pourquoi cette décision maintenant? Il vaut mieux maintenant, avant que commencent les entraînements, les workouts de pré-draft, avant que commence la free agency, ça laisse le temps. C'est quand même mieux de partir en début de cycle, on va dire, de cycle NBA avec, avec une nouvelle équipe que garder l'ancienne. Et puis en août, de dire, allez, en fait, tout le monde débarque. Soit tu prenais maintenant, et c'est ce qui était... Il fallait, soit tu prenais maintenant la décision de couper, soit sinon tu gardais. Donc, on l'a vu dans la NBA, que ce soit à Denver, que ce soit à Memphis, il y a eu des décisions qui ont été très surprenantes en termes de limogeage de coach cette saison à quelques semaines, quelques matchs des playoffs. Et d'ailleurs, ça a été un peu aussi un fun fact de voir que côté Sacramento, côté Denver, c'était Memphis. Des limogeages Memphis de coach. Memphis un peu plus tôt, mais c'est après avoir perdu face à Indiana que les coachs se sont fait virer. Oui. Bon, voilà, jamais 203, et ben c'est Thibodeau qui aura pris la porte après une élimination par rapport à une opposition face à Indiana. Mais oui, effectivement, cette saison, déjà, il y a eu beaucoup de choses très surprenantes. On ne parle pas du trade de Luka Doncic, là, c'est plutôt dans les joueurs. Mais vis-à-vis des coachs qui ont été remerciés à un moment où on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient remerciés. On pouvait se dire, bon, ça sera un peu plus tard, ça sera l'intersaison, ou ça sera la saison d'après si effectivement ça marche pas vis-à-vis de Thibodeau. Eh ben non, la décision a été prise. Alors ça peut être froid, ça peut être brutal. Le côté manque de respect, bon, n'exagérons peut-être pas non plus. Il paraît que 30 millions, donc en termes de respect, moi, on peut me manquer de respect si on me file 30 millions. J'ai pas de problème là-dessus. Non, mais manque de respect. Je t'insulterais, mais 30 millions, ça aide à faire passer la douleur. Il faut aussi ne pas voir que le résultat, il faut aussi... Alors, je peux comprendre Jacques Monclar, il y a aussi le côté peut-être corporate dans l'institution. Il n'y a pas que lui, hein. Dans l'institution coach. Voilà, mais la façon de jouer des Knicks n'a pas, n'a pas évolué entre le Game 1 et le Game 6 des finales de l'Est. Ça a toujours été assez stéréotypé, je sais pas, il y avait rien, quoi. C'était Jalen Brunson shootait mal, et ben tu savais que t'allais passer une sale soirée. Aussi, il y a eu des inquiétudes vis-à-vis de l'utilisation de Jalen Brunson par rapport à aussi la blessure qu'il a eu cette saison. On sait que Tom Thibodeau, il se traîne toujours l'étiquette de j'ai blessé Derrick Rose, hein, pour faire court, étiquette qui est valable ou pas, mais en tout cas il se traîne ça dans son CV, et il peut y avoir une inquiétude vis-à-vis de l'utilisation de Jalen Brunson, se dire attention, bon effectivement c'est un franchise player, c'est un joueur qui est beaucoup utilisé, alors au regard des franchise players des autres équipes NBA, le nombre de minutes il peut être discuté, sur les matchs qui comptent beaucoup, bah oui on compte beaucoup sur lui, sur les playoffs on a forcément beaucoup compté sur lui. J'ai pas trouvé son utilisation en saison régulière extravagante à Jalen Brunson. On en a déjà parlé sur les rotations et sur le cas Thibodeau et l'utilisation de son effectif. Pour moi, il n'y a rien à redire sur deux joueurs, Brunson et Karl Anthony Towns. C'est des joueurs qui ont leurs 30-35 minutes, plutôt 35 minutes de temps de jeu, sur un match qui en fait 48, donc ils passent en gros un quart temps sur le banc en cumulé. Ils avaient leur rotation. Moi, là-dessus, il n'y a jamais rien eu à redire. On peut dire qu'il y a 5 titulaires qui jouent beaucoup, oui, mais bon, il n'y en aura pas 0 qui vont pas jouer, quoi. Donc sur ces deux-là, rien à redire, c'est sur les ailiers, où il y a toujours eu un questionnement et pas forcément de solution proposée par rapport au banc. Mais voilà, donc est-ce que cet argument de « on est inquiet par rapport à l'utilisation de Brunson » Non, moi je pense que c'est moi, je pense pas que, peu importe le coach la saison prochaine, Brunson, il va pas jouer encore moins, quoi. Il va pas jouer une trentaine de minutes, quoi. À moins qu'on plie les matchs et qu'on est en blowout en permanence. Mais voilà, faut pas s'attendre à une diminution du temps de jeu de Jalen Brunson. Est-ce qu'il jouera moins de matchs? Bon, là, il y a eu sa blessure qui l'a fait revenir aussi pour avoir les All-NBA et compagnie. Donc ça impose aussi pas de faire du load management ou alors bien gérer à dose homéopathique dans le courant d'une saison. Donc voilà, est-ce que Tom Thibodeau, James Dolan se dit oui, voilà, l'utilisation du banc est pas assez importante. C'est pas les joueurs du banc, ou peut-être McBride, peut-être Mitchell Robinson qui ont été interviewés. Moi, je pense plus qu'il y avait aussi un côté lassitude. Et qu'il y avait, effectivement une non-appréciation des défaites subies en playoff. Et sur le début de la série, la finale de conférence face aux Pacers, on perd les deux premiers matchs. Donc ça la fout mal. Le choke sign de l'ami Haliburton, ça a clairement pas dû plaire à Dolan, quoi. Donc voilà, il y a peut-être aussi une réaction qui est un petit peu précipitée. Et ça, ce qui me fait dire, c'est plutôt le côté, est-ce qu'il y a vraiment un plan B? Est-ce qu'il y a un coach? Est-ce qu'on sait quel coach le front office a en tête? Ça, c'est peut-être un peu moins sûr, on va en parler dans la seconde partie. Mais voilà, je pense qu'il y a plus d'influence de Dolan dans cette prise de décision que du reste du front office, qui, en principe, aurait pu reconduire Thibodeau au moins pour une saison. Est-ce qu'il avait gagné, est-ce que, entre guillemets, Thibodeau avait gagné le droit d'une saison de plus au regard de cette campagne de playoff? Même si le jeu est critiquable, même si la manière ne plaît pas, on pouvait penser ça. On pouvait penser ça. Donc, affaire à suivre. En tout cas, quand on évoque une participation peut-être un peu trop active de Dolan dans les décisions d'Enix, ça ne nous rappelle pas forcément de très bonnes heures. Donc, à voir si c'est un Bon, avant, épiphénomène ouais, ou pas. on va pas commencer à extrapoler. Il a pris une décision. Moi, toi, tu estimes qu'elle était prématurée. Moi, j'estime qu'elle était nécessaire. On ne parle pas non plus de la période 2004-2006. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut savoir raison garder. James Dolan, si la décision n'avait pas plu, à Leon Rose, il aurait posé sa dème sur la table aussi. Tu vois, Il avait cette possibilité-là. si Leon Rose n'était pas OK avec la décision de James Dolan, il aurait dit, écoute, tu sais quoi, mon coco, moi, à la base, je n'étais pas d'accord pour me séparer de lui, je pense que c'était l'homme de la situation, je t'ai donné mon avis, tu l'as pas écouté, tu me désavoues devant tout le monde, allez, tiens, voilà ma dème, moi, je n'ai rien à foutre, de toute façon, je reprends mon poste, je sais pas, la CIA, et bref, il a été OK avec ça. Donc, je pense Ouais. que donc Après, moi, il y aussi... a toujours eu un truc, et justement, le fait d'avoir eu ces échos sur la participation active de Dolan dans cette prise de décision. Moi, je comprenais pas le pourquoi de l'extension de contrat l'été dernier. Je me suis dit, mais en fait, Léon Rose, tu connais Thibodeau. Tu le connais parce que tu as été son agent. Tu l'as déjà vu à l'œuvre Onyx et on sait les qualités et les défauts du coach. Pourquoi est-ce que tu le prolonges à hauteur de 3 saisons? Alors après, on sait, c'est la NBA, les business, les contrats, ils sont faits, mais on va pas forcément au bout. Mais il n'y avait pas d'urgence à le prolonger l'été dernier. Là, la décision a pu se poser là maintenant. Il y a eu des mouvements d'effectifs qui sont importants aussi. Donc on a remanié l'effectif. On n'est pas dans la continuité exacte du dispositif, de l'effectif de l'an dernier. Il y a eu des départs qu'on connaît. Ils ont été orchestrés et aussi timés, surtout pour l'arrivée de 4, assez tardivement. Donc voilà, il y avait une sorte de confiance de oui, ça peut être le coach qui peut nous aider à amener ce groupe le plus loin possible. Où est-ce que c'est le plus loin possible? Bon, bah là, on a vu au moins en tout cas avec Thibodeau, ça sera des finales de conférence. Donc il y avait une forme de confiance pour proposer cette prolongation l'été dernier. Ça aurait pu être mis sur l'attente en fait. Il n'y avait pas d'urgence à prolonger Thibodeau Non, l'été là, dernier. non, puis je pense pas que tu sais, c'est le coach que tout le monde Que s'arrache. tout le monde s'arrache. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas un côté, ah si on ne le prolonge pas, on risque de le voir partir pour rien. C'est pas les joueurs non plus. Tom Thibodeau, il était ancré à New York. Il l'avait dit quand il est arrivé que Il aurait refait le job signer de cet son rêve été, et tout. c'était pareil, hein. Voilà, il aurait très bien pu. Bon, bah écoute Tom, on verra chaque chose en son temps. Là, il y avait à l'issue de la saison dernière, en plus, le parcours des playoffs l'année dernière, il y avait des blessures, donc il y avait un peu de la frustration, mais elle était différente. Et donc, renouvellement de confiance de Léon Rose, et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi cette décision. Là, maintenant, quand on me dit, ah, Dolan est intervenu, ok, je comprends. Et je pense que Dolan parle plus fort que Léon Rose, forcément, c'est lui qui signe les chèques, même si. Donc voilà. Mais il y a une certaine forme de. Je me désavoue quand même, parce que sinon, à quoi bon avoir fait cette prolongation de contrat? Parce Eh que là, ouais. Dolan, il paye 30 millions, Attends, si tu l'avais pas prolongé l'été dernier, je payais pas 30 millions. C'est 30 millions qui partent dans le vent, quoi, en fait, quoi. pense Donc, que je pense aussi riche que soit-il, 30 millions, il tu a peux t'en servir pour faire autre chose, quoi. il a Un dû petit yacht par-ci, par-là, tu vois. je pense que quand même il a dû avoir un petit une petite entrevue, je pense quand même, avec Léon Rose, en mode c'est la dernière fois que tu me fais perdre 30 millions. Ah, écoute, je t'aime bien, je t'aime bien. Je sais pas combien payer Léon Rose, mais effectivement, ouais, tu fais pas perdre de l'argent comme ça autant, quoi. Parce que là, c'est vraiment de l'argent qui part nulle part. On peut faire un pari sur un joueur. On peut dire, tiens, je signe OG Anunoby 200 millions. Mais tu vas l'utiliser, tu vas voir. Et au pire, cette valeur marchande, elle peut être réutilisée pour des Ouais, trades ou autre. bien sûr, là Là, un c'est... coach, c'est de l'argent qui part pour Wallou, quoi. Y a rien derrière, quoi. Donc, bon, je pense qu'effectivement, le poids de Dolan dans cette prise de décision est important. À voir si ça a d'autres conséquences pour la suite, pour l'avenir. Est-ce que d'autres coachs seront réticents ou vont demander des gros contrats aussi pour venir signer à New York? Parce que là, il y a de l'ambition. Dans le message de licenciement, de remerciement de Tom Thibodeau, on dit bon, merci, bravo, beau chemin parcouru. Mais on pense que on a envie que de jouer le titre. Pour qui? Pour les fans. Merci, ça fait plaisir. On a aussi envie à un moment donné de célébrer un titre de champion avec les Knicks. Comme ça, ces blagues un petit peu foireuses que les Knicks ne gagnent jamais, on en aura fait le tour. Voir James Dolan non pas remettre des ballons à la sortie du Garden aux enfants, mais soulever le Larry O'Brien Trophy, ça pourrait être un truc fait avec de l'IA, mais on a envie de le voir en vrai. Donc oui, les Knicks se rapprochent d'une finale, se rapprochent du trophée. Est-ce que en changeant de coach, ça va leur aider à atteindre ce Graal qui est le trophée Larry O'Brien convoité par bah ouais 30 équipes. Bon, peut-être pas 30 équipes réellement au début d'une saison régulière, mais voilà, vous avez compris l'idée. Eh bien, affaire à suivre, on verra. Une décision surprenante, un timing un peu surprenant, mais un timing maintenant nécessaire et qui permet de laisser un petit peu de temps pour préparer sa succession. Eh ben, on va regarder ça tout de suite dans la seconde partie de l'émission, savoir ce qui se présente maintenant, une fois qu'on a parlé de Tom Thibodeau et qu'on le remercie encore une fois pour son parcours. Après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus trop parlé. Tom Thibodeau, c'est un coach que moi j'ai toujours estimé être un coach de premier étage de Bâtisseur. fusée. De premier étage de fusée. Un coach qui va amener une identité, qui va souder un groupe, à fonder un groupe. C'est ce qu'il a fait au fur et à mesure, hein, des effectifs qu'on lui a donnés et des joueurs qu'on lui a donnés. On sait, comme il est dit, son plafond, hein, à Tom Thibodeau, en tout cas en saison régulière, hormis une fois un couac, mais sinon c'est entre 40 et 50 victoires, donc c'est quand même un coach qui va t'amener à l'équilibre. Donc ça, c'est ça. Et donc à l'équilibre, c'est souvent synonyme de playoff, hein, quasiment. Bien direct. C'est un coach qui, même si tactiquement peut connaître des limites, mais va arriver à faire transcender ses joueurs. Et pour ceux qui adhèrent à sa philosophie, vont se surpasser, ils vont jouer pour lui. C'est ce qu'il est montré pour, par exemple, Josh Hart, pour Jalen Brunson, pour tout ce genre de mecs-là, en fait, qui... Ouais, même des role-players, genre des Nerlens Noël. Ouais, Voilà, il a fait sa peut-être meilleure saison à New York depuis la disparue des radars. Nerlens Noël, Miles McBride, enfin voilà, des joueurs comme ça qui, même s'ils connaissent des rôles plus ou moins différents, mais ils font quelque chose. Et c'est un coach qui a toujours connu quand même des bons résultats et qui fait partie des bons coachs NBA. Il lui manque, c'est sûr, le label champion. Ben ça, est-ce qu'il l'aura? Bon, il y a eu de grands coachs qui Voir. l'ont pas été, mais en tout cas, c'est quand même un coach qui, dans la sphère NBA. NBA, est connu. Maintenant, est-ce que tu sais que ça serait un coach, ouais, pour Sacramento, tu vois, pour là, mais c'est vrai. Justement, une très bonne émission, un très bon podcast qu'on vous recommande, qui est le Basket Lab, qui a fait une très longue revue aussi sur une heure et demie, de Tom Thibodeau, des raisons de son éviction, Portland, Sacramento ou des raisons Portland? aussi. Et évoque justement la suite pour Tom Thibodeau. La suite, on ne sait pas. Hein. Rick Carlisle aussi, en conférence de presse autour de la finale NBA, évoquait bah, sa surprise sur Ben, le départ de Tom tu sais Thibodeau et le fait qu'il allait pouvoir retrouver du boulot. pourquoi il a Donc été ça. interrogé, Carlisle? Parce que c'est le patron des coachs NBA, Syndicat, le ouais. syndicat, ouais. Et puis, bah, parce que bah, en ce moment aussi, de par sa présence en finale et de par son expérience, hein, Craig Carlisle, qui est un sacré coach aussi, bah, voilà, avait en toute légitimité un droit de parole vis-à-vis de ça. Et évoque aussi le fait que bon, ça devrait aller, Tom Thibodeau va retrouver du boulot. Ça, je sais pas, à voir. Tom Thibodeau, il n'est pas tout jeune non plus. Hein. Il a été prolongé, certes, pour 3 ans, normalement, avec les Knicks. Il touchera ses 30 millions, mais il a déjà 67 ans. Il n'est pas tout jeune. On est sur un des plus anciens coachs de NBA. Alors, avec Greg Popovich, et on sait les difficultés qu'a eu Greg Popovich cette saison. C'est pas n'importe quel job. Il a commencé à 32 ans en tant qu'assistant coach. Sur la saison 89-90, où ça? Au Minnesota Timberwolves. Bingo. C'est ça? Ouais. Moi, je connais un peu mon dossier. Mais oui, et on sait que Tom Thibodeau faisait de la partie du coaching staff de Jeff Van Gundy. Et notamment, on voit quelques images de lui, des fois sur les joutes avec le Heat en playoff 99. Donc c'est un coach qui a son vécu, qui a son passage en NBA, qui aura été marquant. Il a été bien sûr titré en tant qu'assistant coach avec les Boston Celtics de Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce. Et tout ça coaché par qui? Doc Rivers. Le spécialiste de la défense. On sait son parcours à Chicago. On sait son parcours à Minnesota, ça avait été un peu compliqué sur la fin, mais c'est lui qui avait permis en tout cas de retrouver les playoffs avec les Minnesota Timberwolves. Et voilà, coach Thibodeau a eu tout un tas de joueurs à son actif à New York. Il n'y a pas eu un passage en play-in. Ça a été play-off direct ou pas play-off pour une saison. La fameuse saison avec l'arrivée de Evan Fournier et Kemba Walker. Alors c'est vrai que dans la sphère d'observation française des fans de NBA, Tom Thibodeau, c'est égal Evan Fournier sur le banc. Ouais. Bon, oui. Mais c'est aussi égal à l'explosion de Quentin Grimes, moi je dirais. Oui, mais au niveau des observateurs français, ils s'en foutent de Quentin Grimes. Ils vont te dire, ouais, c'est pas normal. Evan Fournier, il a été blacklisté. J'ai même lu au moment des finales de conférence. Oui, bah vous voyez maintenant, Tom Thibodeau, il utilisait son banc. S'il avait fait la même chose avec Evan Fournier, bah il a essayé. Alors c'était pas la même dynamique. Clairement, il n'y avait pas la même concurrence au poste. Voilà. Et puis Evan Fournier, il était aussi au Boston Celtics. Et les Boston Celtics, avant, n'ont pas conservé Evan Fournier. Donc, la carrière d'un joueur NBA aura des réussites et des échecs. Ce qui marche dans une équipe ne marche pas forcément dans une autre. Sinon, ça serait tellement facile de transposer tout un tas de joueurs d'une équipe à l'autre. Bref, Tom Thibodeau, c'est quand même un bilan très positif au final, au bilan comptable, avec des victoires qui le classent dans les meilleurs coachs d'Enix, et oui, faut le dire. 5 saisons, c'est beaucoup. C'est rare que les coachs d'Enix fassent dur aussi longtemps. À voir le prochain, s'il arrivera à durer aussi longtemps. En tout cas, au niveau de sa négociation contractuelle, je pense que ça rentrera en considération. On se rappelle aussi de l'effectif qu'avait Tom Thibodeau lors de son arrivée en tant que head coach sur le banc d'Enix. Voilà, tout ça a évolué. Il y a peut-être plus de talent, pas beaucoup plus de résultats, et donc c'est en ça où je vais te allez pour la déconne. Allez, donc voilà qui il avait. Alors ça sera du plus ancien au plus récent. Voilà qui il avait. Il avait Taj Gibson, Derrick Rose, Alec Burks, Austin Reeves. Rappelle-toi les Quivers. Quivers. Austin Reeves, Reggie Bullock, Nerlens Noel, Elfrid Payton, Julius Randle. Frank Ntilikina, Dennis Smith Jr., Kevin Knox, Théo Pinson, Mitchell Robinson, R.J. Barrett, Ignace Brasdekis, Jared, le grand Jared Harper, Norvel Pelé. Powell, Pelé, oui, le Pelé. C'était le doigt dès son premier match, quoi. Ouais, sur un contre. Et puis, les deux rookies qui étaient Emmanuel Quickly et Obi Toppin. Voilà. Un effectif avec lequel il est parti et qu'il a réussi à amener en playoff. Bravo à lui. Le We Here. L'effectif du We Here. Voilà. Il y a des joueurs qui sont partis entre temps. On pense à Dennis Smith Jr. qui était parti à Détroit en échange Derrick Rose. Oui. Mais voilà, il y a eu un effectif qui n'était peut-être pas le plus qualitatif du monde. Il a réussi à souder un groupe qui a été retrouvé les playoffs, un peu à la surprise. Cette saison We Here, elle aura été surprenante sur plein d'aspects. Et puis après, voilà, une saison entachée avec l'arrivée de Kemba et des Van Fournier, où les résultats ne se sont pas retrouvés. Le fameux pouce en bas de Julius Randle, qui lui aussi, bah, du coup, s'est trouvé... à être pris en grippe par une partie du public de la fanbase, et ça n'est jamais réellement remis, même si sportivement oui, mais d'un point de vue adoption auprès du public, ça a été toujours quelque chose qu'il a traîné avec lui comme un boulet. Et puis l'arrivée de Jalen Brunson, bah, ça a changé beaucoup de choses dans cette équipe. Oh voilà, oui. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc est-ce que Jalen Brunson doit sa carrière à Tom Thibodeau? Peut-être pas forcément. Est-ce que Tom Thibodeau devait encore sa place de coach à Jalen Brunson? Sûrement en partie. Mais en tout cas, voilà. Et puis bah, cette saison, avec la l'arrivée de Mikal, avec l'arrivée de Karl-Anthony Towns, le départ de Julius Randle. On se rappelle, hein, Julius et Tom Thibodeau, ils partageaient une pelle dorée entre leurs mains avant un trade. L'année dernière, là, à cette époque-là, l'année dernière. Ouais. Et un point, en tout cas, sur lequel je voudrais insister avant de passer à la suite et de se dire, mais qui va bien pouvoir remplacer Tom Thibodeau, c'est aussi un coach qui avait une casquette supplémentaire. Et ça, on en parle peut-être moins ou peu, parce que finalement, on a un président qui se cache. On a un Léon Rose qu'on ne voit pas. Et qui était toujours au micro à répondre d'un trade ou autre, et typiquement le cas de Julius Randle et l'arrivée de Karl-Anthony Towns, et ben c'est Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, il faisait aussi le rôle d'ambassadeur d'Enix, de communicant d'Enix. Alors avec son style qui est un peu bourru, qui est un peu, comment dire, punching ball, il se prend tout un tas de critiques. Et il répond avec un flegme qui semble ne pas l'atteindre. Alors bon, il n'est peut-être pas très connecté sur les réseaux sociaux. On se rappelle le voir appeler en pleine séance de podcast les roommates que sont Jalen Brunson et Josh Hart, alors qu'il recevait qui ça ? James Dolan en invité. Mmh. Allô ? Ah mince, vous êtes en podcast ? Bon ok, je rappelle plus tard. Donc voilà, donc on avait un coach aussi qui était assez atypique, qui était réputé bosseur, vivre que pour le basket. Alors il plaisait pas forcément, c'était pas le plus sexy, c'était pas le plus funky du monde. Plutôt renfermé, une attitude un peu de garçon boucher à l'ancienne, voilà, un coach brut, un coach un peu dur. Mais s'il était toujours coach NBA en 2025, c'était pas pour rien. Les Knicks, réputation, et coach Thibodeau, réputation défensive. Il restera... Et pour autant, cette saison, c'était pas super top défensif. Non, mais il restera quand même comme, je pense, le meilleur coach de ce 21e siècle. Oui, jusqu'à présent, à preuve du contraire. Et un des meilleurs coachs que les New York de l'histoire des Knicks. Voilà, je pense qu'il a fait son entrée dans le panthéon des meilleurs coachs de la franchise. Ouais, ouais. On l'a vu avec son bilan de victoire. Il avait passé Pat Riley. Il était derrière Jeff Van Gundy encore pour quelques matchs. Après, on pensait qu'il allait le dépasser. Eh ben non. Mais après, il l'a manqué par rapport aux deux autres, une finale NBA. Il aurait eu la finale NBA cette année là. Je pense qu'il était au même niveau qu'un Van Gundy, je pense. Et je pense pas que Dolan l'aurait sorti. Je pense pas. Non, avec les finales NBA, compliqué. Après, bon, pourquoi pas, mais compliqué peut-être. Après, c'est dit. On regardera dans l'histoire de la NBA a posteriori. Et pouvez nous le dire si vous le savez en commentaire. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des coachs qui ont fait finale NBA qui se sont fait sauter Parce que autant j'ai en tête tout un tas de coachs qui ont gagné le titre de Coach of the Year, et d'ailleurs, voilà, Tom Thibodeau, il a ça aussi à son actif, d'avoir été encore une fois lauréat. Il est double lauréat du Coach of the Year, une fois avec Chicago. Ça sera un coach Hall of Famer. Oui. Ça sera un coach Hall of Famer. Oui. Là, je ne comprendrais pas qu'il ne le soit pas. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'il ait un titre de champion ou pas, il y a des coachs. Type Don Nelson, qui ont été les plus gros vainqueurs dans leur carrière, qui n'ont pas de bague de champion. Non. Il y en a, ça existe. Mais voilà, il a deux titres de coach de l'année, voilà, en tant qu'assistant, et un bilan victoire-défaite sur sa longévité, qui est aussi important. Donc, à voir s'il arrive à trouver une autre place. Et j'en parlais tout à l'heure dans le fameux podcast Le Basket Lab. Oui, ça parle de Sacramento. Ça pourrait être un défi. 67 ans, est-ce qu'il aura l'opportunité, est-ce qu'il aura le temps, l'envie d'aller se jeter dans un défi comme ça? New York, c'était spécial pour lui. À voir s'il arrive à rebondir dans une autre franchise, les Charlotte Hornets. Mais en tout cas, voilà. Une équipe un peu en perdition. Merci pour tout, coach. Moi, Ouais, bon. j'étais partisan de son départ, mais je n'en reste pas non plus un gars avec des œillères. Il a amené beaucoup et c'est grâce à lui en partie que parce que les joueurs ont l'autre partie. Mais si la franchise en est là où elle en est actuellement. Donc voilà, merci pour tout ce qu'il a fait et tout son travail. On peut ne pas apprécier son système, ses façons de faire, mais on est reconnaissant du bilan et de ce qu'il a apporté à New York. Exactement. Moi, personnellement, j'étais partisan de lui redonner une saison, et Léon avait ça en tête à la base. Bon, et ben, l'histoire en aura décidé autrement. À voir maintenant quelle suite on trouve à ce départ de Tom Thibodeau. Et moi, je te propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Qui c'est qui remplace? Hein? Qui Alors c'est ça qui veut c'est coacher? Qui c'est qui veut coacher? la question, ça c'est la question à 30 millions, ça. Ouais, alors là, on va peut-être faire un prono, tiens. Voilà. Allez, c'est parti, on regarde la deuxième partie de l'émission. Millions en plus, eh, ça va être marrant de voir aussi la taille du contrat. Est-ce qu'on saura qui prend combien? Bon, il y a tout un tas de noms qui ont circulé Oh depuis qu'on a fait la là là! miniature, depuis que des noms sont sortis. On sait pas trop pourquoi. Un fan va se dire, eh, ça pourrait être pas mal, lui. Ah ouais, bonne idée. Il y a des gens aussi qui ont fait des candidatures spontanées. On pense à Meta World Peace, aka Ron Artest. Bon, voilà, des joueurs qui ont des personnes, pardon, qui ont de l'expérience. D'autres qui n'ont pas d'expérience de coaching, des assistants, des coachs universitaires, des coachs NBA, des coachs déjà en place. Il y a eu un peu de tout. Il y a eu un peu de tout. C'est des rumeurs, c'est des bruits de couloir. Peut-être que le plan est déjà à l'étude depuis un moment. Le plan, J'aimerais suivre en le tout plan. cas croire ça, que finalement la décision peut-être précipitée par James Dolan était déjà un peu travaillée en coulisses par l'équipe de Léon Rose. J'ai pas C'est pas l'impression. certain. J'ai C'est pas pas certain. l'impression, hein. Ça va bientôt faire une semaine que cette annonce a été faite. On n'a pas pour l'instant le remplaçant. Il n'y a pas d'urgence non plus à prendre une décision. C'est peut-être une question à 30 millions de dollars. C'est peut-être une question à plus. C'est peut-être une question à moins. Mais c'est une question en tout cas qui doit amener les Knicks à mieux, à plus loin, à plus beau, à plus beau, à plus grand, à plus brillant. Un titre, quoi. Donc c'est pas une question évidente. Quel coach peut permettre les Knicks d'atteindre ce qu'ils n'ont pas fait depuis 1973? Une éternité. Ça sera pas coach Melo. Non, ce sera pas coach Melo. Mais voilà, donc pas mal de noms ont circulé. Est-ce qu'il y a un nom qui se dégage? Il y a eu aussi des refus, en tout cas, qui ont Parce été que, exprimés. pas toujours pareil, sur l'article, il est quand même noté, et c'est un ça aussi où tu te dis, bon, il est quand même noté, certains ont suggéré que la recherche d'entraîneur se poursuivrait lors de la Summer League en juillet, car il semble que les Knicks n'aient pas de plan défini pour l'avenir. Moi, c'est pas des choses qui me rassurent, ça. C'est pas des choses qui me rassurent. Alors, non pas que la Summer League et la draft soient un élément crucial de cet été. Oui, il n'y a plus beaucoup de pics de draft. On a le pic 50. Ouais. Déjà, ce sera au second tour. Ouais, mais ça, c'est. Est-ce que Tom Thibodeau fera jouer son rookie? Bah, c'est pas lui. Donc, Ça, c'est chasse gardée de Léon Rose, par contre. Et là, les second tours, ça, c'est son domaine. ouais. Oui, mais voilà, en tout cas, on va pas fier lier le succès de la saison prochaine à la draft. C'est peu probable. Il y a d'autres éléments sur lesquels on va revenir quand on va parler des joueurs. Mais voilà. En tout cas, la draft, elle va peut-être se passer. Peut-être qu'il n'y aura pas de coach. Ça serait mieux d'avoir un coach qui choisit son rookie, hein, histoire de lui faire confiance. Parce que oui, un homme qui part, un coaching staff aussi qui va peut-être partir. On n'en a pas parlé au rayon des assistants. Est-ce que Rick Brunson, il sera toujours là la saison prochaine? C'est pas certain. Il y a aussi T'as vu des que. rumeurs qui laissent Ouais. entendre dire que sa présence gênait. Non, mais après, c'est vrai que c'est quand même assez atypique cette histoire, hein. Oui. Alors, on a eu Doc Rivers qui a coaché son fils. Ok, mais il était head coach. Et puis, ça n'a pas duré très très longtemps. Est-ce qu'on n'a pas un Mike Dunleavy Jr. qui aurait été coaché par son father? Pas improbable, Ah, mais bon, peut-être. voilà, c'est pas non plus monnaie courante, c'est pas non plus sur des joueurs majeurs. Voilà, on sait que Jalen Brunson est arrivé à New York et que le papa est arrivé un petit peu avant en éclaireur. Il y a sûrement eu un petit, bon, je viens, tu mets mon père à l'abri, non pas la daronne, mais le pater, pour quelques millions. Voilà, donc ça peut le mettre en confiance, ça peut lui faire son entraîneur perso. Bon, admettons, ça passe. Certains se sont dit même, tiens, ça serait peut-être Rick Brunson, le coach des Knicks, la saison Oh prochaine. non, mais non, quand même. Alors là, je suis pas fan du tout de l'idée. Autant je n'étais pas fan non plus de l'idée de voir un Jay Wright, ancien coach de Villanova, venir dans cette équation. Parce que on l'a vu, trop faire de copinage, Villanova Boys, tout ça, bah ça donne des limites, hein. Dès lors qu'il faut séparer quelqu'un, tout de Jay suite. White a démenti. Il a dit, non, moi je suis bien Voilà. à la retraite, je reste à la retraite. Au rayon des noms qu'on peut déjà exclure assez vite, effectivement, Jay Wright, il a dit, moi je suis à la retraite, je me vois pas aller aux Knicks, de la galère. Dan Orley aussi qui a Dan Orley dit aussi, qui a dit, non, pas un été non plus avec des rumeurs, non merci. le coach de UConn, il a dit non non c'est Donc. j'ai déjà pris le pactole à NCAA, je reste là où Ouais, je je suis. suis très bien. Moi, j'aime bien coacher les gamins, donc m'embêtez pas avec vos histoires de Knickerbocker avec un James Dolan. Non, non, non, non, non. C'est un poste particulier, New York. Alors, on parle souvent gros marché, petit marché. Maintenant, en 2025, oui, il existe toujours des petits marchés à l'échelle des États-Unis, mais ça rentre sûrement moins en considération. Ceci dit, c'est pas un poste, n'importe quel poste. On n'est pas sur un projet de reconstruction à moyen terme où tu peux te laisser du temps et te permettre du droit à l'erreur. Là, il y a quand même une forme d'attente, de pression sur, hey, il va falloir gagner là, maintenant. Maintenant, est-ce que c'est maintenant cette, la saison prochaine, 25-26? Ou c'est la 26-27? Mais c'est pas un projet à 4-5 ans, quoi. Donc, voilà, la marge de manœuvre va être relativement étroite pour le coach qui aura la lourde tâche, parce que c'est une lourde tâche de faire gagner les Knicks. Et qu'en cas d'échec, eh ben, ça pourrait tourner assez vite court à cette histoire. On a vu, James Dolan, il est prêt à s'asseoir sur 30 millions. Alors, il le fera peut-être pas à chaque fois, peut-être que Léon Rose sautera aussi dans l'histoire. Mais voilà, il y a aussi l'effectif. L'effectif, il est vu aujourd'hui d'une certaine façon. Est-ce qu'il sera le même au lancement de la saison? On n'en sait trop rien. Est-ce que c'est un effectif qui attire tout un tas de coachs? À voir. Il y a eu des noms qui ont circulé. Un nom qui revient assez régulièrement ces derniers temps en termes de coach établi, c'est Jason Kidd. Alors Jason Kidd, il est toujours en place aux Dallas Mavericks, qui eux auront une grosse échéance avec la draft. A priori, Cooper Flagg devrait arriver dans le Texas. A priori, mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien, Il va surtout pas. avec un président AGM comme Là, Nico Harrison. ils vont l'inviter. Là, t'as vu, là, ils vont Ouais. l'inviter à une séance privée, à un workout. Mais je rigolais parce que je me suis dit, et si lors du workout, en fait, il se fait démonter. Tu sais, souvent, ils mettent le rookie contre un vétéran, voir ce que ça Le donne et tout ça. briscard, ouais. Tu sais, et là, en fait, le mec, il est nul. Comment ça se passe? Non, non, mais je sais que c'est pas le cas. Merde. Mais Bah, on va en appeler un autre. C'est qui le numéro 2? Dylan Harper, là? t'imagines, tu sais, il se fait démonter. Non, attends, bon, peut-être qu'il a, il est pas bien. On remet le lendemain, puis le lendemain, il se fait à nouveau démonter. Bon, on est plus trop sûr, en fait. Non, après certains émettaient l'idée aussi, pourquoi pas, d'un trade de ce pick one, ce qui n'est pas à exclure non plus, c'est des scénarios Moi, possibles. c'est pas ce qu'il est en train de prendre comme décision, hein. Là, il l'a vu, ils vont lui faire visiter Dallas, la ville, enfin tout le truc, le club, machin. C'est pas, tu sais, c'est pas un signe d'une équipe qui va trader son first pick, hein. Pour l'instant, non. Mais bon, avec Dallas et encore plus cette saison. On est sûr de rien. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, Jason Kidd aujourd'hui en poste. Hein, les Knicks, s'ils veulent pouvoir échanger avec Jason Kidd, ils doivent demander l'accord des Dallas Mavericks. Il n'est pas sûr que ça soit encore autorisé, refusé. On ne sait pas trop. Là où ce qui est sûr qu'il a été refusé, c'est pour les discussions avec Ime Udoka, coach en place à un autre côté du Texas, dans. Houston, pardon, je me perds dans la géographie du Texas. Donc voilà, donc Ime Udoka qui aurait pu être un bon choix, hein, parce que c'est un coach qui avait fait plutôt un bon travail à Boston. Ça n'avait pas plu ces petites histoires off court, hein, mais ça c'est encore un autre sujet sur lequel on ne va pas prendre le risque de glisser. Donc voilà, donc il y a des coachs qui ont été remerciés un peu plus tôt dans la saison. On avait parlé du coach de Memphis, Taylor Jenkins. On a parlé du coach de Denver, Mike Malone, Michael Malone, qui avait été assistant aux Knicks au tout début de sa carrière. À voir s'il aura envie de revenir, pourquoi pas, officier du côté de Alors, Madison Square c'est Garden. pas visiblement, hein, de ce qui est ressorti des premières. C'est le favori peut-être des fans, mais Ouais. semble-t-il, ça serait pas pour lui, quoi. Bah, des indiscrétions de Yann Begley, ce qu'il a eu et qu'il a divulgué, c'est que C'est pas un nom qui excite des masses le front office, hein, la façon de jouer. Il se dirait que ça serait un quand même bis, quoi. Exactement dans son approche. Plus jeune. Voilà. Donc c'est vrai que ils sont pas. Le front office n'est pas hyper chaud sur un mec comme Mike Malone. Après, peut-être que Mike Malone n'est pas chaud non plus par le dossier New York. C'est une situation délicate. Après, effectivement, t'es champion avec les Knicks. Dès ton arrivée, bah, t'es le roi du monde. Ceci dit, si t'y arrives pas, voilà. C'est un jeu assez risqué. Ce qui est quand même assez sûr, par contre, c'est que les Knicks sont plutôt chauds sur Jason Kidd. Ça, ouais. Parce que pour demander à avoir une interview à l'équipe, alors visiblement, ils se diraient qu'ils auraient refusé. Là. C'est ce qu'ils diraient. Mais s'ils en ont fait la demande, c'est qu'ils sont intéressés par le bonhomme. Donc, du pied. Et on se rappelle qu'avant l'arrivée de Tom Thibodeau en 2019-2020, Jason Kidd était dans les... Et Udoka. Recherché. Et Udoka. Et Udoka aussi. Mais Jason Kidd était déjà, on va dire, dans la shortlist à la fin. C'est pas lui qui avait été retenu. Bon, depuis, il a expérimenté, exporté ses talents dans 2-3 franchises, avec plus ou moins de succès. On se rappelle qu'il était en finale NBA la saison dernière avec les Mavs, hein, effectivement, face aux Boston Celtics. Alors, ça avait été compliqué en finale, mais au moins, c'est un coach qui a été en finale. Mike Malone, champion NBA. Alors, il y a des noms qui sont revenus, comme souvent. Les Jeff Van Gundy, les Mark Jackson. Bon, on y croit peu aussi. Et puis, il y a des assistants. Au rayon des assistants, Johnny Bryant, qui officiait à Cleveland cette saison, en compagnie de l'autre, là, qui s'appelle... c'est Hot, c'est ça? Non, je sais ouais, plus, Hot, celui qui a été pris, ouais, par... Qui avait été en interview à Phoenix et qui, finalement, a été retenu par son copain de fac de Michigan, Matt Ishbia. Comme quoi, les relations, ça marche aussi en NBA. Est-ce que Johnny Bryant, qui était parti dans l'Ohio, à côté de Kenny Atkinson, va revenir à New York? Est-ce que c'est le profil de coach? Un assistant coach qui avait aussi officié du côté du Utah Jazz et quelques saisons à New York. Est-ce que c'est lui qui va finalement décrocher la timbale? Sur les 5 de Tom Thibodeau, il a été en 4 ans son assistant. Ouais. Donc il connaît la maison parce qu'il connaît les Knicks, il connaît les joueurs parce que ça a peut-être changé cette saison, mais il en connaît une bonne partie. Il connaît le dirigeant, il connaît Léon Rose. Peut-être que là on est sur un contrat qui n'est peut-être pas à 30 millions non plus. À voir. C'est pas le même type de profil. Alors, il y a aussi des Mike Budenholzer, donc Taylor Jenkins, qui était à Memphis aussi. Voilà, des coachs qui, eux, sont libres de s'engager. Monty Williams, lui, il n'est pas bien vieux. C'est pas forcément un nom qui revient, mais on sait que c'est un coach qui est libre, qui est un ancien de la maison d'X, aussi, au passage. Un assistant pour lequel certains ont milité, mais on n'a pas forcément beaucoup de bruit, c'est Sam Cassell. Bref, tout ça, ça fait beaucoup de noms. Sam Cassell qui est à Boston en ce moment. Après avoir fait quand même pas mal de franchises en tant qu'assistant, qui lui a été champion, hein, NBA, on s'en rappelle, avec les Houston Rockets en 94 et 95. Ça, le 94, c'est un douloureux souvenir pour les Knicks. Bref, ça fait beaucoup de noms. Est-ce qu'on en oublie? Bon, Rick Brunson, hein, bon, assistant maison. Moi, je pense que le plan 1, c'est Jason Kidd. Ouais. Et je pense que c'est lui le plan 1. Par rapport à plusieurs aspects, le premier, sont le fait que il y a une proximité entre lui et Jalen Brunson. On essaye de faire avaler la pilule. On a dégagé Tibbs pour Kidd. Regarde, on fait venir un coach que tu apprécies. En deuxième aspect, que Kidd est saoulé par l'attitude de Dallas. Alors, je pense qu'il peut être excité par la présence du first pick, mais de lui avoir enlevé Luka Doncic, je peux comprendre que le coach soit un peu saoulé de cette situation et de se dire « bon ben j'ai quand même un effectif qui est moins bon, même s'il y a des gros noms hein, dans cette équipe. Mmh. » Anthony sont... Davis, Kyrie Irving qui reviendra blessure à un moment donné. S'ils sont tous au taquet, attention, hein, les Daniel Gafford aussi, les PJ Washington, les comment il s'appelle, le petit Christie, Max Christie. Il y a un effectif qui est intéressant, on ne parle pas des Charlotte Hornets, on ne parle pas des Washington Wizards, voilà, si il y a tout un le monde, projet qui... Si tout le monde est en forme, mais c'est ça la question, c'est que, mais si dans un monde où tout le monde est en forme, attention, à l'Ouest et à la NBA, ça peut être un effectif très fort. Mais c'est vrai qu'il y a cette variante de comment ils vont être. Et le problème, c'est qu'on parle de joueurs qui ont tendance à se blesser. Et puis attention, Cooper Flagg aussi a déjà connu quelques blessures, hein. Donc c'est pas. Attention aussi. Donc c'est vrai que là, tu te dis que ce gars-là, si New York, gros marché, effectif qui actuellement a le vent en poupe, il peut être séduit par cette situation. Visiblement, Dallas n'est pas vendeur et ne souhaite pas qu'il parte. Alors pour moi, c'est simple. Soit ben, dans ces cas-là, en effet, il va falloir chercher et un autre coach vers qui vont se tourner ça. Pour l'instant, on n'a pas d'indice. On sait juste Beaucoup de noms, hein, mais il y a eu des démentis, voilà, mais. qu'ils sont intéressés par Jason Kidd. Si dans les prochains jours, Jason Kidd pose sa dème, Ah, là, tu sais que là, c'est pour les Knicks. Tu sais que c'est pour les voilà. Knicks. Tu sais Ça que c'est sera pour les pas, ça sera pas pour partir ailleurs, ou alors ce serait vraiment encore plus Après, surprenant, et puis. j'ai appris que Thiago Splitter, le coach de Paris, allait partir en assistant coach à À Portland. Portland. Alors peut-être qu'il sera séduit par le projet parisien, mais je crois pas. Ah oui, je l'avais pas vu venir comme ça, effectivement. Oui. Non, mais effectivement, il peut se passer des choses un peu bizarres. Je pense pas que le montant du contrat qui est lié Thiago Splitter au Paris Basketball est comparable au montant du contrat Ah, que mais c'était pour la petite blague, liait c'était pour la petite blague. Jason Kidd à Dallas. Et puis Jason Kidd qui a signé, je crois, la saison dernière, quoi. C'est un contrat qui est assez qui est dans son début en tout cas. Donc, est-ce qu'il aura l'occasion de faire l'impasse sur quelques et un bras de fer sur quelques milliers de dollars? Après, s'il pose sa dème, je sais pas, je connais pas les règlements, tu vois, Les américains. conventions, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a un délai de préavis de 6 mois, un truc comme ça. Non, mais effectivement. Donc, c'est en tout cas le nom qui revient le plus. Alors, bon, ça semble être la piste la plus compliquée parce que c'est pas un coach libre, c'est pas un coach qui est sur le marché aujourd'hui. C'est en ça où moi ça me semble tiré par les cheveux. Bon, il n'y a pas beaucoup de cheveux à tirer quand on parle de Jason Kidd, mais sur son crâne à lui. Mais voilà, après, au-delà de la possibilité de faire venir Jason Kidd, est-ce qu'on est plutôt fan ou pas? Moi j'avoue être plutôt perplexe sur le candidat idéal. Alors il était en finale NBA l'année dernière, c'est qu'il a su. Avec un effectif, certes talentueux, parce que donc Luka Doncic, ça reste un joueur talentueux, et l'année dernière, bah, ils avaient réussi quand même à se glisser après une belle campagne. Est-ce que ça reste un coach qui peut faire atteindre le Saint Graal? Jason Kidd, on sait aussi toute l'histoire qui le lie au New Jersey Nets. Il avait été en finale NBA aussi, il les avait perdus. Il avait été champion avec Dallas, donc il est quand même plus lié avec Dallas. Il avait été rookie de l'année, ou co-rookie de l'année, Bon, avec Grant Hill. Avec Dallas, donc voilà, c'est toute une histoire qui lie Jason Kidd à Dallas, un petit peu à New York. On se rappelle de son passage qui avait été plutôt bon, malgré que c'était son last dance à lui. Hein. Mais voilà, en tant que coach, ah, j'ai jamais trop été emballé par l'idée de Jason Kidd. Alors, il y a la proximité avec Jalen Brunson. Bon, en termes de proximité, on a le père, mais bon, voilà quoi. Donc bon, je sais pas quoi en penser, mais en tout cas ça m'inspire pas beaucoup de moi, confiance, je vais te plus de dire, crainte. quand il s'est fait lourder, Thibodeau, moi je m'étais dit, ça va pas durer longtemps. Allez, ils ont Ça, déjà, ils ont leur nom, ouais, ils ont déjà leur mec. écran de fumée pour faire croire qu'on Ouais, cherche, mais on a déjà le gars, par quoi. respect, voilà, pour Thibodeau, on le sort pas tout de suite. On attend 24, on attend 48 heures. Pour moi, c'était 48, 72 heures. Voilà, je pensais 2-3 jours. Histoire de dire, on fait 2-3 interviews et c'est réglé, quoi. Voilà. Allez, on perd pas de temps, on part sur lui, quoi. Et on sort le blaze. Ouais. Et c'est vrai que cette histoire-là de se dire, bon, le plan A, c'est Kid. Le plan B, c'est. On ne sait pas. Ouais. On Après, ce qu'on n'a pas verra. eu pour l'instant d'éléments qui nous disent un tel a été vu en interview. Ouais, mais Alors, peut-être que ça se fait dans le secret, Non, mais au voilà. courant. Je pense qu'on le saura. Tu sais, souvent, même regarde par exemple, Begley, il sait des choses. Et après, d'ailleurs, souvent, quand il y a des choses qui se sont passées, il te dit, ben, en fait, les Knicks, ils avaient proposé lui et lui, mais en fait, ils n'en voulaient pas. Donc, en fait, ils sont revenus, rappelle-toi, l'année dernière, pour le trade de 4, ils avaient dit, ils avaient proposé Mitchell avec Julius. Ils n'en voulaient pas, ils ont mis Donté, ils ont dit, OK. Tu vois, il y a des choses comme Mais ça ça, on l'a su qu'à la fin. On l'a pas su où le entre-temps, trade, au début de l'été. où le trade raté, de Donovan Mitchell quand il s'est engagé après avec Cleveland, qu'après, d'ailleurs, ils ont dit, voilà, Les Knicks ont proposé ça, ça, et ça avait coincé parce que ben, ils avaient mis des protections sur les piques et ils ne voulaient pas. On les avait su après. Donc, si ça se trouve, là, actuellement, ils sont en train de passer des coups de fil, ils sont en train de voir des mecs. Ça se sait pas, ou alors ça se sait, mais ça se dit pas. J'espère qu'en tout cas, ils sont en train de le faire. Hein. Je croise les doigts, j'espère Bah vraiment. Hein. le scénario, bon, on verra ça dans la Summer League. Summer League, c'est juillet. Non pas qu'il y ait une urgence par rapport aux rookies à la Summer League. De toute façon, la Summer League, on le sait bien. C'est pas les head coach qui coachent, c'est plutôt les assistants. Et il Oui. va y avoir aussi un turnover sûrement des assistants. Oui. C'est peu probable qu'on garde tout le coaching staff. Et non. Et non. Ah, j'ai perdu son nom. L'ancien Maurice Hutchick et compagnie. Est-ce que tout ça va rester à New York? Ben, on sait qu'en plus l'assistant coach, Peut-être pas tous. il a un nom japonisant, l'assistant. Yoshi Yamamoto. Ouais, c'est lui qui. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça en plus. Je Sans crois. Il. blague foireuse. Tac, tac, tac. Ah, mais il n'est pas marqué sur. Mais c'est lui qui faisait le coach de Summer League. Ben, c'est vrai que. Quid de lui, quoi. Tu vois, actuellement. Si, Dice Yoshimoto. Si, c'est marqué. Assistant coach et player development. Donc, c'est pour ça que c'est le coach de Summer Pour les League. jeunes. Mais ouais, donc Dice Yoshimoto, Larry Greer, Maurice Chicks, Mark Bryant, Andy Greer, Daniel Brady, Darren Herman, Rick Brunson et Otella Arrington. Voilà tous les assistants coach. Tous ne vont pas être conservés avec le nouveau, c'est sûr. Lui, il va arriver avec son équipe. Il va arriver avec son équipe. Déjà, le Rick Brunson, ça va être très intéressant à observer, quoi. Est-ce qu'on lui garde une place et que tous les autres ont dégagé? Et auquel cas, bon, bah là, on verra bien qu'on est dans le côté la petite mafia Ah pour ouais. Brunson, tu vois, quoi. Est-ce qu'au contraire, il saute? Et comment est-ce que JB, tu vois, il encaisse tout ça? Parce qu'il a aussi prolongé au rabais. C'est pas rien, c'est pas neutre. Il y a un petit côté, on risque aussi de fâcher notre franchise player, quoi. Bon, de là à ce que JB demande un trade, on va se calmer. On va se calmer. Mais voilà, ça peut Mais faire ça des peut signaux. le saouler. Ça peut le saouler, il a perdu Dante. Bon, voilà. Cat, est-ce que ça se passe bien? Il y avait aussi des bruits de couloir qui disaient que, au niveau des joueurs, au niveau du coaching staff, l'appréciation Ouais, le de 4 était pas l'application dingo, défensive de quoi. Cat n'était pas dingo. On a vu la prise de bec avec OG Anunoby sur le banc, que Brunson était venu calmer un petit peu pour calmer tout le monde pendant ses playoffs. On avait vu OG Anunoby pousser ce Karl-Anthony Towns parce qu'il n'était pas placé comme il fallait en défense. Bon, tout ça fait dire que, bon, derrière cette façade où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il peut y avoir commencer à y avoir un petit peu de frustration, de crispation. Et le choix du coach, bah peut-être qu'aujourd'hui, Thibodeau, ici, faisait un peu paratonnerre sur pas mal d'aspects, prenait un petit peu la foudre plus que les joueurs par moment. Les critiques, en tout cas, c'est certain. Il y Mais a des disons gens qui vont être beaucoup plus que exposés maintenant. Ils vont être beaucoup plus exposés. là, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Beaucoup de choses, comme tu dis, le fait que les joueurs en entretien se sont plus ou moins plaints de coach Tibbs, le fait que les joueurs et les membres du coaching staff se sont plaints de l'attitude de Kat en disant on ne comprend pas si enfin, on ne sait Il a pas compris ce s'il qu'on lui demande comprend. ou... On ne sait pas s'il comprend l'intérêt de la défense, en fait, et de comment il se comporte. C'est quand même ça aussi, c'est quand même assez inquiétant. Donc ça, et puis l'entente dans le vestiaire, l'entente avec Rick Brunson. Donc, il y a Ça fait beaucoup de beaucoup, choses. Ça fait beaucoup de y a choses. beaucoup de choses qui, après cette finale, qui aurait dû finalement être le renouveau des Knicks, en se disant, allez, on part sur un nouveau truc, on se dit, waouh, ils sont arrivés jusqu'à là, avec tout ce bordel. Après, ça reste une équipe compétitive et qui, du coup, dans les vestiaires, il peut se passer des choses. Peu ont fuité pendant la saison. Mais le nouveau coach qui va arriver là-dedans, il aura voilà, une attente en termes d'objectifs assez élevée. Est-ce que c'est le titre ou rien la saison prochaine? Est-ce que c'est les finales NBA ou rien la saison prochaine? Tom Thibodeau, il a quand même mis la barre assez haute. C'est 50 wins et maintenant finale de conf. Rien ne dit que l'année prochaine, ça atteint plus que 50 wins et plus que la finale de conf. Alors peut-être qu'on sera à 55 wins et qu'on se fait sortir au second tour. Et là, on dira quoi? Ouais, c'est bien, c'est mieux. Bon, allez, on lui redonne un an aussi parce que voilà, c'était sa première année. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On peut rentrer dans une certaine zone de turbulence à venir. Voilà, le cas Rick Brunson est aussi quelque chose qui sera à observer. Est-ce qu'il va rester un peu emploi fictif, un peu player development coach là? À voir, à voir. Il va falloir ménager un petit peu tout le monde. Est-ce que des Nova Boys vont sauter aussi? En tout cas, parmi tous ces noms, même si on est dans la science-fiction, dans l'expectative de savoir, tiens, il y a un tel qui est parti en interview ou pas, il y a un tel qui a refusé, toi, si tu devais sortir un nom, dans tous ces noms, et peut-être que ce n'est pas un nom qu'on a cité aujourd'hui, je pense que si, c'est un Non, nom que tu connais. moi c'est un nom que je parle et que tu connais parce que depuis janvier, voilà, on a un groupe de discussion entre copains et c'est un nom que j'avais sorti déjà en janvier. Alors c'est vrai que voilà, c'est un coach rookie qui s'appelle Johnny Bryant. Alors c'est le nom qui ressort actuellement beaucoup de la part de la fanbase, notamment FR. Pourquoi lui? Tu vas me dire un coach rookie, pourquoi lui? En fait, Assistant, c'est un assistant coach, donc il n'a jamais été head voilà. coach. Voilà, il n'a jamais été head coach. Alors, c'est vrai que quand tu te dis, bah attends, head coach, t'as envie d'avoir des ambitions. Oui, alors bon, je ne vais pas les citer, mais on en a eu des head coach qui ont pris des rosters des fois bien plus impressionnants que ceux des Knicks 2024-25 et qui ont eu des bons résultats. Donc, je pense que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Quand je parle à d'anciens coachs, je parle notamment à Spoelstra, quand il prend les 13 Amigos, tu m'excuseras, Il mais était en place une ou deux saisons avant, mais oui, le niveau de pression, il est En élevé. termes de pression, hein, puisque derrière, ils ont même voulu le vider, et c'est Pat Riley qui est monté au créneau en disant non, c'est lui le coach, donc vous fermez vos gueules. Enfin, donc tu vois, l'institution aussi, Heat a été assez forte, mais il a connu du succès. Bon, bref, il y en a d'autres après de personnes là. Oui, Moi, puis. pourquoi est-ce que je partais plus sur lui? Je partais plus sur lui parce que j'avais envie en fait d'avoir un regard neuf, un regard 2025, un jeu 2025. Alors, c'est pas parce que c'est un jeune coach. Quand tu regardes Rick Carlisle, il a un type de coaching 2025 où on utilise tout le monde, on implique tout le monde, c'est plaisant à regarder offensivement, c'est très Ouais, sympa. le Enfin, côté coach jeune égale jeu moderne, c'est pas aussi réducteur que ça. On l'a dit, Rick Carlisle, mais avec son effectif, il propose quelque voilà. chose qui est Mais je entre me guillemets dis moderne. Je sais même que. pas trop ce que ça veut dire, jeu moderne, jeu à l'ancienne. Mais Voilà, je. on voit les Mais je. trois points et compagnie, mais. Mais je me dis, bah, sur la façon d'attaquer, en fait. Tu vois, notre façon très stéréotypée d'attaquer avec un jeu, je préfère avoir un jeu en mouvement qu'un jeu en ISO. Après, chacun a ses sensibilités. Hein. Moi, toi, peut-être que tu préfères l'ISO et que ça te plaît de voir Jalen Brunson avec 24 secondes la balle au panier. Moi, j'aime bien quand il y a du jeu, quand il y a du lien et quand ça finit par un 3 points, quand ça finit par un cut backdoor, quand ça finit. Tu vois, quand il y a du truc. Oui, Donc. non, mais bien sûr, le jeu en mouvement est toujours plus plaisant. Après, l'ISO, c'est pas sale. L'ISO, ça existe. L'ISO, il y Non, en bien aura sûr. toujours. Mais Et d'autant plus en à playoff où outrance, le jeu ralentit, tout ça. ouais, Mais mais c'est comme tout. C'est une à question outrance, d'équilibre. voilà. C'est une question d'équilibre. Alors, Jeu intérieur, jeu extérieur, voilà. après pourquoi Johnny Bryant? Parce que ben, il a quand même un, c'est pas un coach, enfin, c'est pas un Un assistant coach assistant. qui vient d'arriver d'hier. Il a été assistant notamment de Quinn Snyder dans la belle époque des Utah Jazz, donc Donovan Mitchell, Rudy Gobert et toute la clique où il a connu du succès. Et Quinn Snyder était un bon coach. Ensuite, donc, pendant 4 ans, il a fréquenté Tom Thibodeau en étant donc pareil, en étant assistant coach. Donc, c'est vrai qu'il a appris de lui. Et là, maintenant, donc, il sort d'une belle saison pareil en tant que premier assistant auprès du coach des Cavaliers. J'oublie son nom. Tu vas Kenny m'aider. Atkinson. Kenny Kenny Atkinson. Voilà. Atkinson. Donc, je pense que il a fait son parcours d'initiation, il a fait son vécu. Je pense que ça peut être quelqu'un alors peut-être que ce sera pas Onyx, mais ça me ferait chier, si tu veux, c'est que on lui donne une place et que en fait, ben, ça marche et de se dire, punaise, c'est dommage parce que ce type-là, en fait, ben, il avait des idées et puis on l'a pas fait venir. Alors c'est sûr que c'est qui tout, mais finalement un peu comme tout le monde. Parce que tu prends n'importe quel coach, vétéran, un Malone, un Budenholzer. Tu l'as dit, un Monty Williams, la sauce ne peut pas prendre aussi avec le groupe, tout autant qu'avec un coach rookie. Donc là-dessus, le truc de se dire, ouais, mais attention à un mec, bah, je suis pas d'accord parce que bah, tu peux avoir justement des désaccords avec un groupe, malgré le fait que tu sois un coach référencé. Et on l'a vu avec Mike Budenholzer, où ça s'est très mal passé pour lui au Phoenix Suns. Donc, ce n'est pas un gage notamment de réussite d'être un ancien coach. C'est vrai que tu as peut-être plus de code vis-à-vis des joueurs, machin, n'est-ce pas? Mais ça, en tant qu'assistant, je pense qu'aussi tu fréquentes ce milieu-là. Donc tu as aussi. Surtout que lui, il est quand même réputé pour être proche des joueurs. Il a quand même Ouais, bah. des accointances. Donc voilà, moi je sais que si j'étais Leon Rose, je ferais passer un entretien à Johnny Bryant. Et s'il me convainc que il peut avoir les épaules pour prendre le poste, je lui donne. Si maintenant je m'aperçois que bah, en fait bah, ses idées sont pas celles que je veux développer pour les Knicks pour la suite, et ben je passe mon tour. Mais je le connais pas assez hein, comme mec. Moi je te parle vraiment, c'est vraiment à la gueule hein. C'est vraiment tu vois, tu lui dis un truc, Il t'inspire, il t'inspire, il voilà. t'inspire. Après, c'est un assistant coach, et même Voilà. si il a quelques années d'expérience en tant qu'assistant dans différentes équipes, dont New York, dont aussi une connaissance, une proximité, est-ce qu'il aura la légitimité auprès des joueurs actuels du roster? Ça peut aider parce qu'ils se connaissent un peu. Voilà, est-ce que c'est le profil idéal? Ça, on N'a verra. pas Ça, mais, ça, l'impression. rémite, ça, ça mérite au moins une interview. Et Ça toi alors, semble pas être le favori. et ton, Et moi, alors et toi, moi. je viens de te faire le plaidoyer pour Johnny Bryant. Alors toi, c'est un Caïda en tête. Après, avant de te parler de mon candidat, et c'est peut-être pas forcément le plus innovant du monde, il faut aussi que ça permette à Léon Rose d'avoir l'aval de Dolan, quoi. Et C'est de sauver bon, sa tête. voilà, j'ai ramené Johnny Bryant. Est-ce que Dolan, il valide le choix? Je sais pas, je sais pas. Là-dessus, j'ai une crainte, une réticence de dire que Dolan, il validera le choix. Et on sait que Dolan sera impliqué dans cette prise de décision. Non, moi, je verrais Michael Malone. Michael Malone, c'est pas que je sois archi fan du coach et tout. Il a pour lui, lui, il a son parcours d'assistant à New York il y a longtemps. C'était une autre époque. Limite, ça veut plus rien dire. C'était pas les New York Knicks du moment, c'était pas C'est un l'effectif, c'était New-Yorkais. pas... Oui, Il est voilà. du Bronx, je crois. Ou Oui, des New-Yorkais qui se foirent à New York. Il y en a eu d'autres. Un certain Larry Brown, qui était champion, qui arrivait aussi avec quand même une certaine aura et qui n'a pas du tout il a réussi à New pris, il, York. et lui aussi, il a pris comme il faut. Ouais, et c'était James Dolan à l'époque. Donc voilà. Donc être de New York, ça ne fait pas tout. Bravo pour le storytelling et ça c'est toujours mieux. Mais peu importe d'où tu viennes, l'important c'est que tu fasses gagner l'équipe. Et Mike Malone, mine de rien, il a pour lui d'avoir été champion il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir été exposé aussi, parce que voilà, c'est pas n'importe quel job. Il y aura les sollicitations médias qui sont nombreuses partout dans la ligue, et peut-être encore plus à New York. Donc il va falloir qu'il y ait une sorte de coach qui impose son charisme, qui impose sa légitimité auprès de l'effectif, du vestiaire. Ça avait été compliqué, ça a été compliqué cette fin à Denver. Mais c'est pas parce que ça a été compliqué. De toute façon, tous ces coachs qui sont libres, ils sont dans une situation d'échec, d'une certaine façon. Sinon, ils seraient toujours en poste et ils seraient gardés par leur équipe. Donc voilà, il y a une certaine forme de je suis en échec, donc on m'a libéré, donc je me retrouve libre. Mais c'est celui qui, malheureusement, peut-être un jeu qui s'apparente à ce que c'est du Thibodeau aujourd'hui, avec une utilisation de roster aussi qui était peut-être pas dingue, alors qu'il y avait un effectif qui était pas déconnant. Ils ont été champions. Beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'utilisation de Jokic, qui est la pièce centrale de son dispositif. Donc voilà, moi c'est plus un coach qui a été champion, qui connaît le chemin, qui connaît un peu New York aussi, qui connaît peut-être pas forcément ces joueurs-là, mais qui aura une légitimité auprès d'eux en leur disant, les gars, moi je sais ce qu'il faut pour être champion, moi je sais ce qu'il faut pour aller en finale NBA. Johnny Bryant, aussi proche de certains joueurs qu'il a pu être, bah, aura pas cette légitimité na naturelle. Alors peut-être qu'il aura un jeu plus moderne, plus inspiré, plus innovant. Peut-être qu'il aura aussi un coaching staff qui apportera cette expérience. Parce que des fois, ça peut être un assistant, et on en a vu, hein, Steve Kerr a su bien s'entourer. Tout à l'heure, tu parlais d'assistant, de faire le bon choix d'en prendre un et pas le voir réussir ailleurs. Bah, on a eu le cas, Phil Jackson a été parti sur Derek Fisher, il avait en tête Steve Kerr. Steve Kerr est parti à Golden State, on connaît la réussite qu'il a eue. Ça ne veut pas dire qu'il aurait eu cette même réussite à New York, hein, clairement pas. C'était pas le même effectif. Peut-être que Steve Kerr doit sa carrière à Steph Curry, on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien, on peut se poser la question du moins. Mais voilà, est-ce que Johnny Bryant, là, dans cette timeline, dans cet instant T, où sont les Knicks, ce qu'ils ambitionnent, est-ce que c'est le choix numéro 1, j'ai du mal à le voir. Je l'aurais vu s'il était resté dans le coaching staff de Thibodeau et que Thibodeau était lourdé en milieu de saison. À ce moment-là, tu donnes les clés de la maison à un assistant en disant, bon, tu fais ce que tu peux, Au pire, c'est foiré et tu finis en mode intérimaire la saison. Au mieux, tu prolonges, tu continues. Un peu ce qu'on a vu dans un contexte un peu différent, mais ce qui s'est passé vis-à-vis du coach des Spurs. Popovic a dû partir. On a donné la clé de la maison en attendant un jeune assistant. Bon, eh ben, on verra jusqu'où ça va. La prise de risque, elle n'est pas trop élevée. L'attente, elle n'est pas démentielle pour l'instant. Et au pire, le contrat, on s'en séparera pour mettre un coach référencé, vétéran, voilà, avec un CV un peu plus lourd. Mais en tout cas, ouais. Moi, le plan Jason Kidd, j'y crois pas du tout. Je vois pas. Alors, si on le débauche. Pourtant, c'est pourtant, on va dire que c'est le. À l'heure actuelle, c'est le plus chaud. Ouais. Et au rayon des assistants. Est-ce que Sam Cassell aurait pas plus de bagages qu'un Kobe Bryant? J'ai rien lu sur lui. Non, je sais. C'est deux noms qui ont circulé comme des noms ont circulé sur des Jay Wright et compagnie. Parce que les mecs, ils ont dit non, mais moi, je veux pas. J'ai vu des blazes. Justement, là, tu parlais tout à l'heure, là, Walton, Luke Walton. J'ai lu. Oh. J'ai vu Luke des Walton, blazes. Je l'ai vu et je sais plus sur quel banc il est. Il est dans une équipe. Voilà. C'est plus facile de libérer un assistant ouais, que mais bon, libérer un head coach. Luke Walton. Alors après, j'ai entendu aussi, il y a le nom de Chris Finch qui a pas mal circulé aussi. Ouais. Alors qu'il a une place à Minnesota. Ouais, il mais il est chez Karl Anthony Towns. Il est, bon... aussi, il est aussi un peu... un peu décrié. Ouais, un peu décrié. Donc, peut-être qu'ils attendent, peut-être qu'ils se disent, bon allez, si on n'a pas Kidd, si Finch s'est fait lourder. Mais tu vois, ça manque d'idées. Parce que... Ça sent l'improvisation. Ouais, c'est ce côté, et c'est en ça où je me dis ce timing de virer Thibodeau. Oui, il faut le faire vite pour avoir du temps pour travailler ensemble. Mais en fait, vous ne l'aviez pas anticipé. Non, mais même, ça veut dire que vous pensiez le garder au moins un an, en fait. Non, mais même d'aller chercher, par exemple, Finch, c'est de se dire, toi, quand je dis que ça manque d'idées, c'est de se dire, allez, on va aller chercher le coach avec qui Kat a bossé. Tu vois, donc, Kidd, c'est le coach qui a lancé Jalen Brunson. Finch, c'est le coach avec qui Kat a bossé. Enfin, tu vois, en fait, ça on manque... cherche des copains ou on cherche un coach, quoi. Ouais, ça manque un peu d'idées. Enfin, tu vois, alors, j'extrapole, si ça se trouve, c'est pas du tout le coach, ils sont pas du tout intéressés par Finch. Mais je sais que son nom, je l'ai lu. Son nom, je l'ai lu, et je l'ai lu au même titre que j'ai lu Billups et que j'ai lu et que j'ai lu Luke Walton. D'accord. Non, mais Billups, il a prolongé Portland, puis ouais. Ouais, Billups, il a pas non plus, il a pas des bons résultats avec une équipe en développement, quoi. Sa deuxième partie de saison est clairement meilleure. Un peu mieux, ce qui, ouais. Ce qui va dans le sens de le prolonger à Portland. Mais voilà, on n'est pas sur le même marché, on n'est pas sur le même niveau d'attente. Là, on parle l'an prochain faire finale NBA. On parle au moins ça, quoi. Donc, voilà, un coach assistant, un ancien coach assistant peut réussir. Voilà, ça peut être la bonne pioche, comme ça peut être la mauvaise idée. Ça lui fait mettre une pression énorme, quoi. Alors, est-ce qu'on reprend Johnny Bryant dans le coaching staff de, je sais pas, Jason Kidd? Dans le coaching staff de Mike Malone? Je sais pas. Alors, pas l'intéresse. D'après. Pourquoi ça l'intéresserait à lui de venir alors que là, il est dans une équipe qui gagne? Ah, peut-être qu'en interne, ça se passe mal, on sait pas. Il se fait chier à Cleveland, hein. C'est possible. Ça, c'est fort probable. Mais... non, mais ça aurait fuité. Mais après, bon, voilà. Comment le coaching staff sera reconstitué? Et puis, est-ce que voilà, le projet intéresse? Parce que oui, l'équipe est ambitieuse, mais entre l'ambition et la capacité d'atteindre des objectifs, ça c'est quand même autre chose. La barre est très haute. Taylor Jenkins, je sais pas, je me dis, est-ce que le costume il est pas trop grand pour lui? Il a montré de belles choses à Memphis, mais là cette saison c'était compliqué. Après, bon, le cas de Ja Morant était aussi plus qu'une épine dans le pied. Non, bon, voilà, moi je partirais sur un Mike Malone. On va me dire, ouais, mais c'est finalement un Thibodeau bis en plus jeune. Non, mais moi, ouais. je moi, mais je... c'est le côté, j'ai été champion. Je comprends ton choix. Hein. Il a un charisme qui, je pense, pourrait trouver écho dans le vestiaire et aura cette pression des médias, mais qui, je pense, est en capacité d'être encaissé, tu vois. Moi, je veux... Là où Johnny Bryant, je le trouve peut-être trop tendre. Moi, je ça veux... Ça fait le jeter dans le bain des requins. Moi, je veux juste, l'année prochaine, qui fait... voir un jeu d'attaque léché, voir un truc. J'ai envie de, non pas que j'apprécie. C'est pas pareil. Quand JB... Coach offensif ou coach défensif? Bah, avec l'effectif que t'as là maintenant, il faut prendre un coach offensif. Ouais. Là, Thibodeau, du coup, était à contre-emploi oui, là, et termine cinquième meilleure attaque parce que avec un jeu pas toujours les plus plaisants. compliqué de devoir nouveau changer ton roster au vu en plus de l'état des finances et compagnie. Donc, je pense que là, actuellement, il faut partir sur un coach d'attaque et pas un coach de défense parce que ça va pas du tout avec notre équipe. Et bien justement, on va essayer de terminer rapidement cette émission par ça, parce que ça parle de coach. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça en ce moment. Et c'est pour ça que l'Enix agite beaucoup la sphère médiatique et la twittosphère. Twitto, X-sphère. Alors, bon, il y a eu le clash entre Elon Musk et Donald Trump. Mais bon, laissez un petit peu de shine et de lumière pour l'Enix. Parce qu'il y a aussi l'affaire Kevin Durant. Franchement, je pensais qu'on en était revenu de cette histoire. Mais non, semble-t-il, à la deadline, l'Enix ont fait une offre. On ne sait Oui, pas j'ai de vu qui, ça, on ne sait pas de oui. quoi, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'avec un Kevin Durant, on aurait été champion? On n'en sait rien. Oui, j'ai vu Mais ça. semble-t-il, l'Enix ont été On fait intéressés. une offre, on fait une offre. Alors, je suis curieux de la connaître. Elle a été sortie par Katsu Begley, donc s'il la sort maintenant, c'est dur que c'est quelqu'un qui... Non, c'est Shams. C'est Shams qui l'a C'est Shams sorti. qu'on a parlé. Ouais. Ouais, c'est Shams Il y qui l'a avait un sorti. intérêt des deux parties. Donc, il Alors, y on a connaît une... le Et une Kevin offre a Durant. été faite. Et une offre a été faite. Et une offre a été faite. Alors bon, il y a des photomontages où on voit un Karl-Anthony Towns sous un maillot des Suns à côté de son poteau Kevin Booker. Les deux ont fait la même fac, donc on connaît leur proximité. Mais bon, est-ce que on a fait venir Kat l'été dernier pour le renvoyer au mois de janvier, février là, contre Kevin Durant, qui a bientôt 37 ans? Je suis très surpris par cette. Alors non pas que Kevin Durant ne soit pas un joueur utile. Bon, il a tendance à se blesser, peut-être un peu. Son côté leader, voilà, c'est pas un franchise player. Enfin, c'est plus un franchise player depuis un moment. Il n'arrive pas à porter les équipes sur ses épaules pour aller loin, où ça? En playoff, hein, malheureusement. C'est là où ça compte aussi. Peut-être que des belles sorties en régulière, il en est toujours capable. Malheureusement, c'est compliqué de ses passages à Brooklyn. On va me dire, ouais, mais il était à un pied d'aller en prendre un titre. Non, on parlait d'un second tour. Ok. Enfin, avec les Nets, l'histoire, elle s'est mal finie, mais bon, ils ont eu plusieurs occasions. Il aurait pu durer encore aux Nets s'il l'avait souhaité. Il est reparti à Phoenix. À Phoenix, il n'y a pas eu de résultat. Ça a été compliqué aussi, valse des coachs, avec un effectif Booker, Bill, peut-être déséquilibré, mais ça manque pas de talent non plus. Donc, compliqué le cas Kevin Durant ces dernières saisons. 37 ans. Qu'est-ce que les Knicks vont aller se mettre dans un bourbier, aller chercher KD, quoi. Et puis. Quel montant, quelle offre, c'est quoi? L'idée, c'est d'envoyer OG Anunoby. Donc, on va dropper, entre guillemets, notre meilleur défenseur pour un KD de 37 ans. Avec, je sais pas, un pic Mais de draft et des joueurs du banc. tu sais, alors Léon Rose, je lui donne beaucoup de crédit, hein, mais sur ces derniers temps-là, je le trouve pas non plus. Tu vois, Il enfin, tente des choses, mais est-ce que c'est des coups gagnants? le trade de Mikal extrêmement cher. Alors, je mets pas ça sur le dos de Mikal comme certains disant, machin, pourquoi Il il a pas joué comme un mec qui vaut 5 tours. Non, lui, c'est pas de sa faute. C'est pas On de l'a sa payé ce faute. prix-là. C'est On pas l'a de sa payé ce faute. prix-là. Mais justement, on l'a payé ce prix-là. Alors qu'on l'a vu jouer 5 tours, c'est ce qui a été donné quasiment pour Donovan Mitchell. Tu vois, on paye ça à un All-Star. Alors après, derrière le trade de Après, 4. est-ce qu'on paye ce prix parce que c'est le prix demandé par les Nets, c'est que quand c'est les Knicks Eh qui coûtent plus ben, cher que les autres, t'es il y a pas peut-être un obligé de peu le de ça. faire. Eh ben, t'es pas Et obligé de le après, faire. T'es pas hein, obligé de mais le faire. on en avait parlé un peu plus tôt dans la saison. Si Mikal Bridges n'avait pas été un Nova Boy, est-ce qu'on aurait été le chercher, quoi? Eh oui. Et à ce prix-là, voilà, il y a peut-être aussi, ah ouais, vous le voulez, mais c'est votre copain de votre franchise player. Boum, c'était le prix. Tu veux ou tu veux pas? Bon, ok, tu payes, mais. En plus, si tu veux, c'est que la timeline fait que ça se joue en quasiment presque 24 heures, cette connerie. C'est-à-dire que Mika, il dit ouais, j'ai presque envie de partir. Les Knicks, on vend de ça. On fait une offre. Les Nets, ils ont vu ça, ils ont fait d'accord. On vous le livre même. On n'aura pas mieux. Non, non, on n'aura pas On mieux. n'aura pas mieux. On Donc, n'aura pas mieux. si tu après, je peux comprendre le trade de 4 pour pas mal d'aspects, mais si tu veux, voilà, le dernier gros coup, bon coup, ça a été Hart. OG, après, on a lâché du gros pour OG. Quand je dis du gros, c'est RJ, c'est Pour mettre IQ. la main dessus, ouais. Et là, pour Mikal, on va parler aussi de prolongation très prochainement. On est un peu dans une situation comme OG Anunoby. On a payé cher pour le ramener chez nous. Maintenant, pour le garder, et comment ça va se passer ces négociations? Donc voilà, il n'était pas forcément satisfait de son utilisation avec Tom Thibodeau. quel coach on va ramener. Est-ce que finalement on fait encore des gros changements de roster? Parce que là où on parle d'Enix en termes de coaching, on parle aussi d'Enix capable de faire des gros moves. KD, est-ce que c'est un ajout, mais à quel prix? Parce que voilà, on est Enix, on paye toujours plus cher que les autres. Et c'est pas parce qu'on veut payer plus cher que les autres. C'est parce que les autres nous forcent à payer plus cher pour avoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment KD? Est-ce que KD veut vraiment venir à New York? Est-ce que c'est le joueur qui manquait? Avec quel coach? Voilà, ça. Et puis, il y a aussi l'autre... L'autre licorne, c'est pas un licorne, c'est un extraterrestre, qu'on voit un peu partout, Giannis Antetokounmpo, l'Enix serait capable de faire un tsunami offer. C'est quoi une tsunami offer? Alors, Brunson plus Karl Anthony Towns, avec du Josh Hart contre Giannis. Non, c'est quoi un tsunami offer pour essayer de s'adjoindre les services de Giannis Antetokounmpo, qui sera de toute façon convoité par non pas une, mais deux, mais trois, mais quatre, peut-être 29 franchises de la Ligue, s'il est vraiment confirmé qu'il est sur le départ. Voilà, on ne sait pas trop... Il y a des dossiers très brûlants. Le choix du coach, est-ce qu'il va être influencé par rapport aux joueurs qu'on veut cibler? Jason Kidd, Giannis, ah ouais, d'accord. Budenholzer, Giannis, ouais, mais Budenholzer et Kevin Durant, ça n'avait pas l'air de marcher non plus des masses. Donc, est-ce qu'un Johnny Bryant là-dedans, tu vois, arrive avec un effectif qui change et tout, et on lui met des mégastars pour dire tes chiffres cette année? C'est un peu compliqué de voir. C'est un bon merdier. Quand tu vois, concrètement, quand tu vois là, l'évolution du roster, quand tu vois l'équipe qu'on avait pour les playoffs 2023, c'était pas si loin. T'avais beaucoup changé depuis. Hein. T'avais ton 5 avec Jalen Brunson, Josh Hart et R.J. Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson. Et sur le banc, t'avais du Hartenstein, du Obi Toppin, du Quickly, du McBride, du Grimes. Et t'avais la profondeur. Et t'avais Evan qui cirait le banc. Tu l'avais, hein? Non, mais concrètement, quand je te dis comme ça cette équipe-là, et que je te dis, bah tiens, qu'est-ce que ça donne cette équipe avec cette évolution à la Indiana Pacers 2025? Ça donne quoi? Tu vois, ça donne quoi? Bah, peut-être qu'on est en finale NBA à la place des Pacers, quoi. Ouais, c'est ça. On sait pas, on peut pas refaire l'histoire. Après, voilà, on refera pas l'histoire. Il y a des moves qui sont faits. Et pour gagner, il faut prendre des risques, que ce soit en termes de transfert, que ce soit en termes de coach. Il y a des choses, des fois, qu'il faut qu'ils soient faits pour prendre des risques, pour gagner. Les Knicks ont pris le parti de ne plus faire le développement en interne, comme ce qu'ils étaient en train de faire avec du RG, avec du IQ, tout ça, pour partir sur des joueurs confirmés, mais forcément qui coûtent plus d'oseille. Et là, tu décides donc de prendre un pari en te disant, ce coach, on va partir sur un autre type de coach parce qu'on a peut-être, on a plus de certitude sur lui que sur le nôtre, parce que le nôtre, par rapport à ce qu'il nous montre, il nous montre aussi beaucoup plus de limites que de marge de progression. Donc, voilà. Ça fait des chantiers à tous les étages, là, en ce Cet été, ça va être un beau, beau merdier. C'est pour ça que moi, j'étais, entre guillemets, partisan de la continuité. Et pour gagner, il faut se donner du temps. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut des fois se prendre des échecs. Bon, cette année, les échecs sont en finale de conférence. Non, mais c'est quoi? Visiblement, c'est pas le parti pris par la direction. On parle de changement de coach, ça, c'est certain. Mais il se murmure des changements importants dans l'effectif. Donc, voilà, est-ce que la sauce prendra avec le nouveau coach, avec les nouveaux joueurs? Est-ce que Karl Anthony Towns s'inscrit dans la durée? Est-ce que c'était qu'un joueur de passage? Je sais pas. Moi, je pensais que c'était un joueur qui s'inscrivait dans la durée. Lorsqu'on parle de KD, on envisage un départ de 4 là-bas. Ouais, mais t'as vu ce qu'ils ont dit? Les Suns, ils sont pas intéressés par 4. Ouais, je peux comprendre aussi. Je peux comprendre aussi que ça soit... Après, même si ça fait copain-copain avec Devin Booker... voilà, il y a un coach qui est jeune là-bas aussi. Et donc on est sur un projet de semi-reconstruction. Tu te rappelles quand... comment il s'appelle ce petit meneur là qui était à Brooklyn? D'Angelo Russell. D'Angelo Russell. Quand il est arrivé à Minnesota. À Minnesota, son poteau et tout. Ouais, il est venu à l'aéroport. Ça a fait pchit, ça a jamais marché. Bah, les copains, ça fait pas toujours de la réussite. Hein. Kevin Durant et Kyrie Irving, ils étaient copains. Bon, Brooklyn, pas trop marché. Bon, alors justement... Rapidement, oui, non. KD à New York? Non. Tu dis oui, tu dis non. Moi, je dis non. Je dis non. Ok. Giannis Antetokounmpo à New York? Tu dis oui, tu dis non. En fait, je passerai pour un con. plus Ah, t'as le que droit de dire non. de Tu peux le raison, dire en mais grec. ça se dit comment en grec? Attends, non en grec, Non. non en grec. Non, mais en fait, si tu veux, c'est est-ce qu'on doit tout encore défoncer quoi? C'est exactement ça. Ce genre de move égale, tu perds encore de la profondeur. Et qu'est-ce que on a évoqué tout au long de la saison avec ce coach qui était Tom Thibodeau, qui a peu utilisé son banc? Peut-être un manque de profondeur. Donc, alors oui, des vétérans, ça peut se retrouver, mais on est aussi sur des Parce que joueurs qu'on ça a voudrait confiance en. dire, c'est qui que t'envoies? Donc t'enverrais OG, Mikal, Hart. Parce qu'attention, on n'a pas de pic. Hein. On n'a pas de pic. On en a moins et plus beaucoup. Oui, on est Mais d'accord. on n'en a pas, puisqu'on a des swaps Qu'est-ce qui après. va Donc. intéresser Milwaukee? Qu'est-ce qui va intéresser Phoenix? Mais moi, je suis Je pense Milwaukee. que Milwaukee, ils ont tout intérêt à repartir sur de la Ah, jeune star, mais moi, je sur des suis. pics à Et mais. foison et se donner Depuis du temps. le début, moi je suis Milwaukee, je vais voir San Antonio et je leur dis vous voulez le grec avec Wemby? Eh bien vous nous donnez le pick 2, le pick 14, Keldon Johnson et Darius Vassell. Et ça c'est la base, on discute autour de ça. Ou voir, tu vas voir à côté dans le Texas, tu demandes le pick one de Dallas, tu ramènes un J-Kid à côté de Giannis, tu bricoles avec, je sais pas, des PG Washington et compagnie, ou des Lively, et tu récupères des picks, le draft, enfin, je sais pas ce qu'il en reste. Mais voilà, il y a peut-être de la matière plus intéressante ailleurs qu'à New York. Non, Alors après, Giannis, il va dire, oui, moi, je prolongerai à tel moment dans tel marché et pas dans les autres. Donc voilà, il y a aussi ça qui peut rentrer en il se dit, considération. il se Mais je vois murmurait. pas New York du tout armé pour aller chercher Giannis, quoi. Non, il se murmurait qu'en plus il serait pas mal intéressé par Toronto. Voilà, aussi. Ouais. Je Entre dis guillemets, ça. petit marché à l'européenne, moins américain. Mais ouais. Donc Non, voilà, autant Giannis, Giannis. je pense Moi, pas. KD, c'est niette pour plein de choses. L'âge. Alors oui, on veut peut-être avoir une fenêtre courte de 1 ou 2 ans, mais qui nous dit pas qu'il va enchaîner les blessures sur 1 ou 2 ans, sa compatibilité avec le reste de l'effectif peut être problématique parce que c'est quand même un personnage particulier, Kevin Durant. Très fort basketteur, mais assez compliqué à gérer en dehors de ça. Il avait aussi fait ce choix de partir à Brooklyn, et on peut dire que c'est de la rancœur ou ce qu'on veut, mais je vois mal le mec rétro-pédaler en disant bon bah maintenant j'arrive à New York. Youpi, j'ai envie de gagner au Garden. Oui, il le dira, mais ça sentira le fake à plein nez, quoi. Ouais, Et après s'être puis. foutu de la gueule des Knicks pendant X Mais ça temps. voudrait dire quoi qu'on sacrifie un OG? Je dis pas qu'OG est plus fort que KD, mais c'est pas la même utilisation, le même profil, c'est pas la même fenêtre de vie à New York pour avoir KD. Puis KD, ouais, voilà, ça devrait pas avoir un prix trop élevé au-delà de son salaire pour mettre la main dessus, donc mais et pourtant les Knicks ont voulu le chercher à la deadline. Moi, ça me rend très perplexe tout ça, très perplexe, et je me dis qu'avec un Dolan qui commence à remettre son nez dedans, ça m'inspire pas confiance parce que lui il aura envie d'aller chercher un Kevin Durant pour avoir peut-être entre guillemets une star de plus en se disant que c'est ça qui va nous faire gagner, et je suis pas certain que ça soit ça qui nous fasse gagner, quoi. Donc pour moi, KD, c'est À non, Léon désolé, Rose désolé, d'arriver Kevin. à Léon Et Rose d'arriver Giannis, à le tempérer. Hein. si on peut le faire et que c'est, il y a très peu de destinations sur lesquelles Giannis est prêt d'aller et que Milwaukee est d'accord pour nous faire un package avec ce qu'on a en stock pour récupérer Giannis, why not? Après, est-ce que ça sera aussi compatible avec Brunson? On verra. C'est pas le même profil que Karl Anthony Towns par exemple, mais justement, c'est pas un shooter non plus, quoi. Bref. Tout ça nous fait dire qu'il va se passer beaucoup de choses cet été. Et ça commencera peut-être sûrement par un nouveau coach. Et que le choix du coach nous dictera après les choix, les mouvements faits sur les joueurs. Espérons qu'il y ait aussi un effectif qui se stabilise assez vite et pas comme l'année dernière, l'arrivée de Karl Anthony Towns juste avant le training camp. Se laisser du temps pour que le coach puisse se familiariser avec ses joueurs, que les joueurs se familiarisent à jouer ensemble, que les automatismes prennent parce que. Il n'y aura pas de retard à l'allumage d'accepter, de tolérer. Ça ferait déjà très mauvais genre. Donc, on arrive dans une zone très intéressante dans l'histoire des Knicks. Un tournant, pourquoi pas. Une zone critique. Est-ce que les Knicks seront champions en 2026? Eh bien, si on regarde les derniers finalistes de conférence des dernières saisons, ceux qui ont buté en finale de conférence ont réussi à aller en finale NBA derrière. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Knicks. Mais voilà, on ne se donne pas de la continuité, on part plutôt sur de grands travaux de rénovation. Et ça, on ne sait pas forcément où ça nous mène. Non. Bon, d'ici là, nous, on va vous laisser. On va vous donner rendez-vous quand ça? Lundi prochain. Peut-être qu'on aura un nouveau coach, peut-être pas. Peut-être qu'on aura des nouveaux joueurs, peut-être pas. Mais en tout cas, on fera la review des joueurs La qui ont grande joué cette review. saison. Oui, on va sortir nos petites tablettes, nos notes, les A, les B, les C, les plus, les moins, tout ça. Saison régulière et playoff. On aura l'occasion de se prêter à l'exercice et vous partager avec vous ces notes. D'ici là, on va suivre tout ce qui se peut se passer à New York. Il va se passer encore beaucoup de choses, c'est certain. Est-ce qu'on est prêt à ce qui va se passer? En tout cas, on a activé nos cloches de notification. Le Woj, il est plus ou moins à la retraite. Shams, son téléphone, j'espère qu'il a de la batterie. Nous, en tout cas, on en a. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de ces aventures des Knickerbockers. Parce que même s'il joue plus, il nous régale toujours. Hein. Il nous régale toujours. Seb, voisin du dessous, bonne semaine. Et puis on croise les doigts. Dolan reste le plus loin possible de toutes ces histoires. Laisse faire Léon. C'est ça. Pas toujours des bonnes décisions, mais laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le Je te faire. rappelle que Leon Rose a toujours voulu, quand il était plus jeune, vouloir être coach. Alors peut-être. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Bon lui? les gars, je suis pas très chaud pour les interviews d'après-match, mais je me lance. Je vais être coach. Peut-être, peut-être. Ou est-ce que c'est Papa Brunson, peut-être. Dites-nous en commentaire qui vous voulez voir comme coach. Dites-nous en commentaire si vous voulez de KD. Dites-nous en commentaire si vous voulez de Giannis. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez en fait. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on soit champion avec les Knicks en 2026. Dites-nous. Ouais. Et si vous voulez pas, vous le dites aussi. Allez, bonne semaine à toutes et à toutes. Et rendez-vous la semaine prochaine. Let's go Knicks. Ciao, ciao.